Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera, les brumes et bandes brouillards en profiteront pour se reformer. Et il faudra compter sur des minima qui descendront entre 1 et 4 degrés. Demain, après la dissipation de la grisaille matinale, alternance d'éclaircies et de passages nuageux, le risque d'averse sera beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. On parlera même d'un temps sec avec des températures qui seront identiques à celles d'aujourd'hui. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Emplois, 3000 emplois créés dans le secteur HoReCa pour les trois premiers mois de l'année. C'était avant les attentats. Alors, est-ce que le secteur va mieux ou ces emplois sont-ils déclarés grâce à la caisse intelligente? Nous tenterons de faire le point dans ce journal. Le hacking dans les entreprises, c'est un fléau. 2700 plaintes cette année, comme dans cette PME de prêt-à-porter. La première action, c'est de dire, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Il n'est pas question que je paye. Et puis on se rend vite compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La police dit qu'il ne faut pas payer de rançon et qu'il faut surtout porter plainte. Le budget toujours en discussion au gouvernement fédéral. Le compte à rebours a commencé. Charles Michel doit prononcer son discours à la Chambre demain à 14h15. Sur du velours, les Diables ne devraient pas avoir trop de mal ce soir contre Gibraltar. Match toujours dans le cadre de la qualification pour le Mondial 2018. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Le secteur HoReCa embauche à tour de bras. Oui, à en croire les chiffres publiés dans la presse flamande ce matin, 2670 personnes supplémentaires travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cafés. Pour vous faire une idée, c'est quasiment l'équivalent des jobs perdus chez ING. Alors Lionel Denebourg, ce chiffre, il concerne d'abord quelle période? Ce sont les tout derniers chiffres disponibles, chiffres officiels de l'ONSS, ceux pour les trois premiers mois de l'année de 2016. Et si on compare, 2670 jobs, ça représente une augmentation de 2,2% en un an. Alors que disent les professionnels? Est-ce qu'ils sont optimistes par rapport à ces chiffres? Entre deux, ils attendent de voir parce que les chiffres concernent uniquement les trois premiers mois de l'année, avant donc les attentats de Bruxelles et avant le temps pourri de mai et de juin. Alors est-ce que ces emplois supplémentaires sont pas simplement des jobs en noir qui ont été déclarés? C'est ce qui vient à l'esprit spontanément, fatalement. On pourrait penser qu'à cause de la fameuse caisse noire, la caisse intelligente censée équiper tous les restos désormais, qu'à cause d'elle, des patrons se sont empressés de déclarer du personnel. C'est pas le cas, Lionel? Ça a peut-être joué un peu, mais à la marge, parce que quand on parle de noir, c'est généralement pour payer une partie du salaire d'un cuisto ou d'un serveur, des gens déjà déclarés. Écoutez ce qu'en pense d'ailleurs Jean-Louis Simonet, c'est le président de la Fédération HoReCa et nous. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait un impact direct sur l'emploi par rapport à la caisse. Ça, c'est clair, net et précis. Ce qu'on a peut-être fait, c'est des emplois à mi-temps qu'on a passé en temps complet. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et ce restaurateur d'insister pour qu'on baisse fortement les cotisations sociales parce que l'HoReCa reste bel et bien en difficulté. C'est même l'un des rares secteurs dont le nombre de faillites continue à augmenter. Merci Lionel. Et vu votre voix, vous venez de réaliser un petit exploit. Les trois principaux syndicats de la banque ING en conseil d'entreprise, aujourd'hui le premier depuis l'annonce du plan de restructuration, la direction d'ING, vous le savez, entend se séparer de 3000 emplois d'ici 2021. Les syndicats avaient d'abord dit qu'ils refuseraient de participer au conseil d'entreprise, mais ils y sont bel et bien. C'est la première phase de la procédure Renault qui commence, procédure d'information. On sait que les syndicats ont aussi obtenu que la journée de grève de lundi soit payée. Les travailleurs, je vous le rappelle aussi, avaient débrayé en apprenant la nouvelle de la restructuration. Manu, est-ce qu'on peut Facebooker au travail? Bon, normalement, ça n'est pas du tout autorisé, mais si c'est l'entreprise qui le propose alors, aujourd'hui démarre Facebook at Work. C'est une plateforme très semblable à celle que l'on connaît tous, mais qui est réservée, cette fois, au monde de l'entreprise. Une version test existe déjà depuis 2015. Aujourd'hui, un nouveau concurrents entrent donc sur le marché des réseaux sociaux professionnels, Sophie Merghem. Et pas n'importe quel concurrent. Facebook compte 1,7 milliard d'utilisateurs de par le monde. Grâce à cette notoriété, Facebook at Work pourrait bien être rapidement adopté par le monde professionnel. Brice Leblévenec est directeur des Machina, une des premières entreprises à avoir testé l'application. Les gens sont saturés d'emails, ils ne sont pas toujours attirés par l'intranet d'une entreprise, alors que Facebook, ils y sont à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il y a vraiment tous les outils. On peut poster des documents, on peut chatter, on peut faire des likes, on peut faire des groupes, mais ça ne permet pas de remplacer, par exemple, un wiki ou d'autres applications de sondage. Donc ça ne fait pas tout, mais ce que ça fait, ça le fait bien. Coût de l'application pour l'entreprise, 4 euros par utilisateur par mois. Il s'agit bien d'un réseau social interne avec des profils différents du Facebook privé et des contenus réservés aux membres de l'entreprise. Une opportunité pour le management, selon Alexandra Giroux, spécialiste de la communication interne. Il y a une tendance à plus laisser la parole aux employés pour qu'on n'ait pas une communication qui vienne uniquement du CEO, mais également des collaborateurs. Il y a beaucoup de télétravail, de coworking, et les gens ont besoin d'avoir des outils qui leur permettent de sentir que cette communauté vit et existe. Néanmoins, Facebook reste associé au loisir et continue d'être vu d'un mauvais œil par les managers. Une image qu'il faudra dépasser pour espérer concurrencer des réseaux comme Yammer ou LinkedIn. Payer une rançon pour continuer à travailler. C'est ce que vient de faire un entrepreneur bruxellois victime d'un piratage informatique. Ces piratages sont de plus en plus fréquents et contre l'avis de la police, pas mal d'entrepreneurs décident donc de payer une rançon pour avoir la paix. Alain Iten est le patron d'une marque belge de prêt-à-porter dans sa PME. Tous les programmes ont été piratés un dimanche après-midi. On lui a demandé 2700 euros pour tout remettre en état. La première action, c'est de dire, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Il n'est pas question que je paye. Mon informaticien va travailler dessus, on va réussir à décrypter. Moi, je vais rechercher mes backups, on va se débrouiller. Et puis, on se rend vite compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, un ami que j'ai appelé, qui est assez calé en informatique, m'a dit, mais écoute, ton informaticien va te coûter très cher aussi pour décrypter, s'il y arrive. Il va passer des heures, à un tarif horaire qui est quand même assez important. Il me dit, à ta place, moi, je paierai. Et Alain Etten a effectivement payé cette rançon, ce que déconseille fortement la police. Mais elle sait aussi que son intervention à elle va prendre des mois, le temps de trouver la clé qui permettra de débugger le système informatique. Et une fois la clé trouvée, les pirates en auront forcément inventé une autre. Les PME n'ont pas toujours le temps d'attendre pour trouver une solution à leurs problèmes. Pourtant, la Computer Crime Unique, je vous le disais, par la voix d'Olivier Bogard, déconseille donc de payer la rançon. Le message de la police est clair, ne payez pas parce qu'on crée un engrenage et on est susceptible ou bien d'être de nouveau la cible et en même temps on entretient, je vais dire, ce marché noir de du chantage numérique. Interview signée Aline Delvoye. Notez que 2100 PME ont déposé plainte cette année pour du piratage informatique et demande de rançon. Cette saisie record de stupéfiants à Comines, 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. C'était vendredi. La police a trouvé 5 kilos de cannabis, 11 kilos de résine, 6 kilos de speed et 12 kilos d'ecstasy ainsi que 20 000 euros. Tout cela a été découvert au Bizet, c'est un village de l'entité de Comines. Une fausse alerte à la bombe à Bruxelles. Aujourd'hui, une de plus, on a évacué le parquet, le tribunal de première instance, rue des Quatre Bras, près de la place Poulart. La police a aussi interrompu la circulation. Le vieux palais qui abrite la cour d'assises, lui, est resté accessible. L'alerte a été levée un peu avant 15h. Hicham Diop reste en prison. Hicham Diop, c'est l'ancien militaire qui avait blessé 2 policiers mercredi dernier à Schaerbeek. La Chambre du Conseil a confirmé son maintien en détention pour un mois. 17h08, j'ai une question pour vous Manu. Ont-ils les sous ou pas? Le gouvernement, eh bien on ne sait pas encore. Il doit boucler le budget et c'est urgent. Demain, Charles Michel doit prendre la parole pour la rentrée officielle du Parlement. Mais jusqu'ici, ça patine. Les ministres se sont retrouvés à 11h, se sont quittés 3h plus tard, se sont retrouvés sur le coup de 4h. Didier Reynders a parlé de budget bouclé, les autres se sont montrés moins formels. Il y a des réformes à mettre en place et ça coince. Bref, il reste 21h avant le discours de Louis Michel à la Chambre. Fabien Van Écotte, le chrono est lancé. Le CDNV seul contre tous, c'est un peu le résumé du match, ou plutôt des négociations en cours. Un CDNV qui bloque sur les propositions libérales et NVA de durcissement des mesures de contrôle des chômeurs. Un CDNV surtout qui défend sa petite idée d'une taxation sur les plus-values. Un CDNV enfin qui aimerait avancer sur sa réforme du temps de travail, la loi Peters et la question salariale. Là où côté libéral on temporise, Didier Reynders, MR, estime que c'est le budget d'abord. Et sur le budget, on aurait bien avancé, comment mystère. Mais côté réforme, ça peut attendre un peu. Le Premier ministre est prêt à aller au Parlement avec un budget en ordre. Ce qu'il faut maintenant, c'est finaliser un certain nombre de réformes. Là, il y a encore quelques discussions, mais je dirais qu'on a le temps jusqu'à la fin de l'année de déposer les textes au Parlement. Donc, le tout, c'est de voir la volonté politique maintenant d'avancer sur l'ensemble. Côté CDNV, on le répète, les réformes sur le travail, les plus-values, c'est maintenant. Des propositions sur la table, je cite, à ne pas prendre à la légère. Chris Peters. Nous allons voir ce qui se passe autour de la table, mais la question d'une fiscalité juste est un point important pour nous. Si on ne comprend pas ça, on va voir ce que cela donne. Si on ne résout pas le sujet d'une fiscalité juste, c'est un problème plus grand que le gouvernement. Preuve de la difficulté, en tout cas de la tâche, de mettre tout le monde d'accord. Les discussions ont été suspendues peu avant 15h, le temps de laisser chacun réfléchir dans son coin et d'espérer le retour à une certaine sérénité. Et donc c'est plutôt bon signe, hein. On a appris que les discussions venaient de reprendre, sans doute du neuf en fin de journée, si pas demain matin, quoi qu'il en soit. La déclaration de politique générale, elle, est prévue à 14h15 demain. Le fédéral qui a du mal donc à boucler un budget, la région Wallonne, elle, perd carrément des sous, et pas qu'un peu. Ça concerne la taxe de circulation, celle que vous devez payer si vous possédez une voiture. Depuis que la région est compétente pour percevoir cette taxe, les problèmes s'accumulent. La Cour des comptes, le gendarme en quelque sorte des institutions, Karl Defoy, n'est pas tendre. Manquement, carence, problème, la première page du rapport de la Cour des comptes donne le ton. L'institution met en cause une informatique déficiente, des failles dans l'organisation interne de l'administration. Il souligne le manque de fiabilité des données pour établir les taxes au point que 90 000 invitations à payer contiennent toujours des erreurs. Ce constat n'est pas neuf, il avait déjà été tiré l'an dernier. C'est d'ailleurs ce que souligne l'administration pour qui ce que la Cour des comptes évoque, c'est 2015, de l'histoire ancienne, la préhistoire, dit même l'attaché de presse du service public de Wallonie. Mais le ministre de tutelle, Christophe Lacroix, ne minimise pourtant pas les défaillances. Il admet que les problèmes actuels doivent impérativement être assainis. Le nouveau directeur général de la DGO7, en place depuis quelques mois, nous confiait il y a peu qu'il peut compter sur des collaborateurs dévoués et compétents pour dépasser les maladies de jeunesse de son administration. Le rapport de la Cour des comptes tempère un peu cet enthousiasme. L'institution exige désormais, au-delà des convictions de la direction, la preuve que la machine peut enfin rapporter l'intégralité des centaines de millions qu'elle est censée récupérer. En Haïti, le triste décompte des victimes et l'appel à l'aide de l'ONU. Oui, l'ONU demande d'urgence plus de 119 millions de dollars pour Haïti. 750 000 personnes sont touchées par l'ouragan Matthew. Elles n'ont plus de maison, manque de nourriture. Elles risquent aussi d'être touchées par une épidémie de choléra. L'ONU demande d'ailleurs des fonds spécifiques pour assainir l'eau et réduire les cas de choléra. De son côté, l'équipe d'intervention d'urgence belge se disait prête à partir pour Haïti, mais le déplacement ne s'avère pas possible ou utile dans l'immédiat, ce qui déçoit fortement les volontaires. Une nouvelle rencontre au sommet entre le président turc Recep Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. C'est la troisième depuis la fin du mois d'août, malgré leurs divergences de vues sur la Syrie. Ankara et Moscou ont déjà normalisé leurs relations commerciales pour les exportations de fruits. Les avions russes ont commencé à transporter à nouveau des touristes russes en Turquie. Et cette fois, il y a de gros accords énergétiques en vue. La Russie et la Turquie devraient signer l'accord pour lancer la construction du Turkish Stream, un gazoduc destiné à amener du gaz russe en Turquie. Ils devraient n'en faire qu'une bouchée. Les Diables affrontent ce soir l'équipe de Gibraltar. Oui, c'est le troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Gibraltar, c'est le dernier pays classé au ranking de la FIFA. A priori, donc, c'est un oiseau pour le chat, en tout cas pour notre équipe nationale. Mais pas que. Petit tour d'horizon avec Thierry Luters. Gibraltar, ce n'est donc pas qu'un rocher britannique entre Méditerranée et Atlantique, envahi de touristes, de macaques et de bookmakers, paradis fiscal oblige. C'est aussi une équipe nationale de football, membre de l'UEFA depuis 2013, et admis par la FIFA depuis le 13 mai dernier, ce qui lui permet de participer pour la première fois à une campagne éliminatoire pour une Coupe du Monde. Lors de la campagne qualificative pour l'Euro 2016, Gibraltar a disputé 10 matchs. Il n'a évidemment pas récolté le moindre point, a inscrit 2 buts. Le premier par Lee Cascaro, véritable héros au pays, mais en a reçu aussi 56, soit une moyenne de 5,6 par match. Il faut dire que la plupart des joueurs sont non professionnels, mais le foot est très populaire dans ce protectorat britannique de moins de 30 000 habitants, qui compte cependant 19 clubs, des clubs qui se partagent tous le Victoria Stadium, qui n'est pas conforme pour les joutes officielles, raison pour laquelle l'équipe doit s'exiler à Faro, à la pointe sud de l'Algarve, pour y disputer ses rencontres officielles, même si bientôt la nouvelle enceinte de l'Europa Point Stadium sera prête pour ce qui constituera sans doute un des déplacements les plus exotiques du foot européen. Et cette rencontre ce soir est donc à suivre sur Vivacité, bien sûr, complètement foot, spécial avec David Oudrey. On sera là pour suivre ça à partir de 19h. Manu, il est 17h15. Je voudrais qu'avec toute l'équipe, on vous applaudisse. Quand même. Que... Mais non, j'ai reçu trop d'applaudissements aujourd'hui. Non seulement, je suis gênée. Vous avez marché pendant 30 heures pour faire 100 km et après tout ça, vous êtes là aujourd'hui. C'était le défi, hein, non ? Ou c'était pas dit ? Écoutez, en tout cas, bravo à vous. Ça va les pieds ? Les pieds vont très bien. Qu'est-ce qui va pas bien ? Les genoux. Du mal. D'accord. Donc vous voulez quoi ? Un petit massage ? Un de mes collègues m'a fourni un petit médicament à l'arnica et ça va déjà beaucoup mieux. Ça a l'air d'être efficace ? Beaucoup mieux. D'accord. Je pense que Lionel de Neubourg souffre un peu plus que moi aujourd'hui. Vous avez entendu sa voix au début du journal ? Bah oui, mais c'est ça. Mais lui, il a fait quoi ? Il a fait 30 heures de fête pendant le week-end. C'est possible. Ça doit être ça. Merci Manu, en tout cas, et bravo pour ce défi des 100 km relevés pour Cap 48. Et merci à vous toutes et vous tous hein, pour vos dons. 5 552 026 €, c'est énorme. Le record est battu et tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. 17h16, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. David Godefroy, comment ça roule ? Eh bien, cet accident à vous signaler sur le 42 Liège-Mons, aux environs de Bierzet, les voies de gauche et centrale sont neutralisées. Conséquence, comptez une petite dizaine de minutes en plus vers Mons. Cet objet encombrant aussi à vous signaler sur le 40 Bruxelles-Liège, peu avant Hélessine. La voie centrale est encombrée par une grande planche en direction de Liège. Sur le ring de la capitale, ça coince. En circulation extérieure, Zaventem-Grand Bigard, ajoutez une trentaine de minutes à votre trajet. 30 minutes en plus aussi en circulation extérieure de Grand Bigard à Hautitre. 20 minutes supplémentaires en circulation intérieure de Zaventem au carrefour Léonard et maximum 15 minutes de plus sur les autres tronçons. Et puis dans Bruxelles, le motard d'Europa Assistance nous signale des ralentissements du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi et dans l'autre sens du tunnel Trône au tunnel Léopold II vers la Basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et quel 5 à 7 ce soir ? Il y aura tout à l'heure les frères Taloche qui seront les invités de cette émission. Vous savez qu'il y a le Festival du Rire de Liège là qui démarre tout bientôt. Ils viendront nous parler des humoristes qui viendront vous faire rire pendant ce festival. On en reparle tout à l'heure. Il y aura des cadeaux ce soir à gagner. Vous savez qu'on est dans la semaine du commerce équitable. La coopération belge au développement vous offre une paire de boucles d'oreilles en or équitable ce soir avant la fin de cette émission. Ça, c'est quand même sympa. Vous savez que ça coûte 650 €. C'est fort. Ça, c'est du beau cadeau. Donc, des boucles d'oreilles en or véritable, mais issu du commerce équitable. Pour gagner, ben bougez pas, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Je vais vous poser une petite question, vous aurez le temps de chercher la réponse et puis de me l'envoyer. On en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. Ce soir, on reviendra aussi sur une info vacances. Alors je sais que là, vous êtes au travail, vous dites oui, les vacances, pourquoi tu nous ennuies avec ça ? Ben parce qu'on apprend aujourd'hui que la destination vacances, une des destinations vacances les plus appréciées des Belges, eh ben c'est la Belgique. On verra quel coin de notre pays remporte le plus de succès. On parlera de foot aussi. Vous savez qu'il y a ce soir donc la Belgique qui va affronter Gibraltar. On va sur une petite gazette du foot avec Lise Burion qui viendra tout à l'heure. Retour aussi sur ce qui s'est passé hier sur le plateau de Cap 48. Non seulement vos dons qui ont permis de récolter plus d'argent que ce qui n'a jamais été récolté dans Cap 48. On a passé les 5 millions grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis ce moment où avec entre autres Ophélie Fontana, on s'est fait hypnotiser. Ophélie

Ah, c'est une bonne nouvelle qui effectivement se confirme dans les différents bilans qui sont établis par l'Observatoire du tourisme wallon et qui ont été encore confirmés lors du bilan de ces vacances d'été. Et qu'est-ce qui marche le mieux ? Les gens aiment bien les où ? Alors, les deux pôles forts du tourisme en Wallonie, c'est bien évidemment d'abord le tourisme vers les Ardennes et puis arrivent ensuite les différentes villes wallonnes qui remportent aussi un franc succès. Et on a des villes en particulier ou pas ? Les grandes villes, bien entendu, mais on se rend compte de plus en plus que les villes d'une importance moyenne trouvent aussi de plus en plus d'intérêt dans le chef des touristes. Je pense en particulier à des villes telles que Dinan ou Durbuy, par exemple. Et alors, est-ce qu'on reste longtemps ? Est-ce que c'est, genre, on prend une ou deux semaines de vacances en Belgique ou on est plutôt sur des courts séjours ? Alors, en Wallonie, on est plutôt sur des courts séjours, mais on se rend compte que les séjours de plus en plus longs prennent de plus en plus d'importance. Et alors, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la clientèle dans les hébergements. Les derniers chiffres en notre possession nous indiquent que 54% de la clientèle dans ces hébergements est belge. Et au niveau des attractions, on est à 63% de la clientèle dans les attractions qui est, elle, également constituée de Belges. C'est plus que les années précédentes ? Alors au niveau des hébergements, c'est plus. Au niveau des attractions, c'est plus également. Alors si on part dans une répartition différente en fonction des régions, au niveau des attractions, on se rend compte que là, c'est la clientèle flamande qui est en hausse. La Flandre marque un intérêt de plus en plus grand pour notre région. Et au niveau des hébergements, là, on est vraiment dans une augmentation, tout secteur confondu. Ah bah donc ça, c'est très bien. Donc c'est un secteur qui va bien. Enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est facile de le dire par rapport à des chiffres. Après, il y a tous ceux qui travaillent au quotidien dedans et qui sont peut-être pas forcément d'accord en disant oui mais c'est bien. Alors, mais c'est compliqué pour nous. Par rapport à tous ceux qui travaillent, là, je vous rassure, parce que bien forcément, quand on mène des bilans, on interroge aussi les acteurs, les opérateurs, et ils partagent le même constat et tous disent que la force du territoire wallon, c'est la qualité de l'accueil, la qualité des hébergements, mais aussi les bons rapports qualité-prix qu'on constate par rapport à des destinations concurrentes. Et puis pourquoi c'est justement, parce que c'est vraiment super bien chez nous ou parce qu'on n'a plus les moyens d'aller ailleurs ? Alors de manière générale, on se rend compte que le climat international tendu et les attentats ont eu, eux, tendance à booster le tourisme de proximité. Donc ça, c'est un élément qui a, de manière générale, joué en faveur de notre destination. En ce qui concerne les moyens, je pense qu'on n'a pas une réponse ferme à apporter par rapport à la question que vous me posez. Bon bah espérons que ça continue à progresser pendant les mois, les années à venir et que tout le monde aille visiter les beaux endroits de notre pays. Un endroit en particulier, vous Valérie, si vous deviez en mettre un en avant, vous pouvez ? Alors je reste sur la valeur sûre, Durbuy. Durbuy, on a reçu ça aussi par SMS qui n'est pas signé, mais 3063 nous a dit aussi Durbuy. Bon, on va faire le tour des destinations en Belgique que vous adorez, 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Merci Valérie d'être passée ce soir par le 5 à 7. À bientôt. De rien dit, à bientôt. Au revoir. On va voyager pour la suite. Alors bon, ça c'est vrai, avec Môme, on va quitter la Belgique. Parce qu'avec cette musique-là, on est plutôt... on est sur des îles, là. On est avec de la Wayenne, on va venir avec du collier à fleurs. Mais pour la suite de cette émission, on va parler de foot. On va faire un petit tour de tous les pays qui ont joué pendant ce week-end. Il y a eu du monde sur les terrains de foot. La petite gazette du foot avec Lise Burion dans quelques minutes. Et Ophélie Fontana viendra nous rejoindre aussi. C'est l'image du jour qui arrive avant 18h. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas ? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute ? Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Bah, je... Non, parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ben, rien. Oh, tu jettes les feuilles des carottes? Non, mais ça va pas. C'est parce que je pensais. Allez, hop, passez-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Fier de nos frites. Andalous ou samouraï ? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert, avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. Merci à vous, grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 euros et vous pouvez continuer à verser sur le compte VO35, 8 x 0, 37, 37, bonsoir. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Les ministres cherchent des sous et les réformes qui vont permettre de les trouver. Les ministres du gouvernement Michel ont passé la nuit ensemble, la matinée ensemble et ils viennent d'en reprendre pour quelques heures tant qu'ils se parlent. C'est bon signe, cela dit, c'est une question d'heure à présent parce que Charles Michel, le Premier ministre, doit monter à la tribune de la Chambre pour sa déclaration de politique générale demain. C'est le deuxième mardi d'octobre constitutionnellement qu'a lieu la rentrée parlementaire. Charles Michel ne pourra pas venir faire de la figuration, il faut qu'il ait quelque chose à dire. 3000 engagements dans nos bistrots, hôtels, restaurants au début de l'année 2016. Ce sont les dernières statistiques disponibles. Certains voudraient y voir l'effet caisse intelligente qui contraint les patrons à déclarer le personnel en même temps que leurs revenus. Le secteur, lui, n'est pas convaincu du lien de cause à effet, ne veut pas se réjouir trop vite de ces bons chiffres. Une année, c'est 12 mois, une augmentation sur les 3 premiers mois de l'année avant les attentats et avant le mois de juin et juillet un peu pourri, ça n'est peut-être pas une tendance lourde pour le secteur sur toute une année. 4 machines sont sorties de Caterpillar aujourd'hui, c'est la première fois que du matériel est expédié depuis l'annonce de la fermeture du site en septembre dernier. D'autres expéditions de machines sont programmées cette semaine. Et puis dans l'actu, il y a aussi ce match des Diables contre Gibraltar, c'est ce soir et c'est de nouveau pour la qualification pour le monde 2018 et on s'attend à une pluie de buts du côté de Gibraltar plutôt. Ah bah c'est pas une super nouvelle ça. Voilà, on verra ça. Bon on verra. Bah vous êtes pessimiste pour ce soir. Non, alors. Non, vous êtes de ce côté. Non, une pluie de buts dans les filets de Gibraltar. Ah ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit qu'on n'allait plus pouvoir être amis si vous étiez contre les Diables Rouges. Vous êtes encore un peu sous hypnose. C'est ça, peut-être, Cyril. On va en reparler d'ailleurs de l'hypnose dans quelques minutes. Oui, vous avez fait faire des choses très bizarres hier. Il paraît. Ouais, effectivement. Avec de gros yeux, là, en train de faire des choses très bizarres. On va reparler de ce qui s'est passé hier sur le plateau de Cap 48 dans quelques minutes. Merci Manu. Le journal revient tout à l'heure à 18h. La météo pour ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera des brumes et bandes brouillard qui vont se former un petit peu. Les minima descendront entre 1 et 4. Degrés demain après la dissipation de la grisaille matinale, alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Le risque d'averse sera beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. On parle même d'un temps sec, ça c'est bien. Les maxima seront cependant identiques à celles d'aujourd'hui. La route se passe-t-elle bien ou pas pour rentrer à la maison? Ben on va le savoir, c'est le RTBF Mobile Info, David Godefroy. Eh bien ça dépend un peu où on se retrouve, et notamment sur le 42 Liège-Mons. Un accident s'est produit autour de Bierzay. Deux voies de circulation neutralisées, conséquence des files depuis l'échangeur de Loncin sur 5 km. Une vingtaine de minutes perdues en direction de Mons. Un accident s'est également produit sur la Nationale 238, Louvain-la-Neuve-Wavre, à hauteur de Tigny. La bande de droite est neutralisée. Des files commencent à se former à cet endroit en direction de Wavre. Un véhicule est en panne sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure, à hauteur de Tervuren. Il s'agit d'une information du motard d'Europe Assistance. Il y a des files vers Waterloo et coup d'œil sur le ring de Bruxelles. Le tronçon le plus ralenti, c'est en circulation extérieure. Zaventem-Grand Bigard, ajoutez une quarantaine de minutes à votre trajet. 30 minutes aussi en circulation intérieure de Zaventem au carrefour Léonard, suite notamment à ce véhicule en panne dont je parlais il y a quelques instants. Et puis, dans Bruxelles, ça coince de manière habituelle dans la plupart des tunnels. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Il y aura des comiques tout à l'heure dans l'émission, puisque les invités seront les frères Taloche tout à l'heure à l'occasion du Vous Rire Festival. C'est du 20 au 23 octobre à Liège et on en parlera dans quelques minutes sur Vivacité avec eux directement. Ils nous donneront tout le programme de ce festival. On va aussi retrouver tout à l'heure Ophélie Fontana pour l'image du jour. Et puis on parlera de sport dans quelques secondes avec Lise Burion. Bonsoir Lise, on parlera de quoi? De football. De football. Ah bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de football. Il y a eu beaucoup de matchs ce week-end, beaucoup de pays qui ont joué, c'est ça hein? Oui, ça continue encore ce soir et demain. Ah bah oui, avec nous ce soir, la Belgique, on va gagner. Normalement, oui, il y a intérêt. Bon bah, faisons pas trop les malins non plus, parce qu'à un moment, on peut peut-être avoir des mauvaises surprises. On va aller au standard, il y a Thierry de la Louvière qui est là. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bienvenue à vous Thierry, vous êtes d'accord, victoire de la Belgique ce soir, les Diables Rouges vont gagner? Ben oui, moi je le pense sincèrement, parce que je suis belge avant tout, mais il faut quand même toujours se méfier. Ben évidemment, voilà, c'est ce que je disais, faut faire gaffe quand même, faut pas arriver trop en confiance. Il y a de très bons souvenirs et de très mauvais souvenirs, croyez-moi. Eh ben, pour le moment ça se passe bien, c'est vrai qu'on va pas se plaindre vendredi, ça s'est bien passé. Thierry, on parle de tourisme avec vous, on a appris aujourd'hui dans l'actu que les Belges aimaient bien partir en vacances en Belgique. Quel est le petit endroit en Belgique que vous adorez particulièrement, Thierry? Que moi j'adore franchement, que j'ai fréquenté à plusieurs reprises en étant jeune avec des camps de vacances, c'est les Ardennes, plus spécialement du côté de Bastogne-Virton. D'accord, et vous avez fait quoi dans vos campements là-bas? Vous avez des souvenirs précis? En fait, c'était des souvenirs de jeunesse, quand j'avais entre 8 et 12 ans, c'était des camps de vacances organisés par la TD Clermont. Ouais. Et c'était tout ce qui était, si je me souviens bien, parce que en 30 ans de différence, je ne sais pas ma géographie en fait... C'est tout ce qui est Virton, Château, Bastogne, vous voyez ce coin-là. D'accord, en fait. Et vous êtes baladé là-bas. Vous avez construit des cabanes dans les arbres et des trucs comme ça ou pas? On sait ce qu'on a fait avec les gens du groupe, oui. Ah bah ouais, ça c'est et sympa. C'est une région que j'ai jamais oubliée. Ma dernière région en fait en camp de vacances, ça a été Virton. D'accord, bah ça c'est plein de bons souvenirs. En tout cas, vous en parlez avec le sourire. On sent que c'est une région que vous aimez bien, Thierry. Oui, les Ardennes, tout ce qui est Ardennes profonde chez nous. Ouais. Eh ben en plus, il y a des bonnes choses à manger là-bas. Bonne salaison. Surtout du marcasseau. Aussi, c'est vrai. Ben merci Thierry d'être passé ce soir dans l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt Thierry. Et bonne continuation et vive quand même Vivacité. Hein. Eh ben merci. Heureusement que vous êtes là pour le rappeler. Je peux vous dire que vous êtes une terrible radio. Franchement très professionnelle. Je peux vous le dire. C'est gentil. Sympathique. Vous avez entendu les patrons. Il a dit c'est très professionnel. Voilà, comme ça Thierry vous l'avez dit. Et vous avez un animateur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui est venu à la Louvière dernièrement pour une émission pour avoir des fonds. Oui. C'est un homme, je vais pas dire gros, mais assez fort. C'est un habitué chez vous, en fait. Ah bah alors, je sais pas... Un très bon animateur, il est passé à la Louvière, en fait. Eh ben, si vous dites un très bon animateur, on a que des bons animateurs chez Vivacité. Oui, alors, oui, oui. Et en plus, vous avez une telle émission. On joue au qui est-ce? On abaisse les cartes, vous avez une idée? Philippe Delmel. Philippe Delmel. Avec une barbe blanche. Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Ah c'est pas oui, Philippe. Pas une barbe blanche à la Saint-Nicolas. C'est un animateur de radio chez vous qui est très souvent en image, en fait, pour votre radio. Benjamin, sûrement lui, ouais. C'est lui. Ah, on l'a trouvé. Mais il n'y a pas de barbe, alors. Non, il n'y a pas de barbe. Lui. Il n'y a pas de barbe. Ah, ben, c'est sans doute. C'est un bon animateur. Et en plus, vous avez une terrible émission de sport. Eh ben, c'est très gentil, Thierry. Avec quelqu'un que j'admire chez vous, en plus. Vous savez quoi, Thierry? Vous allez rester à l'antenne avec nous. Vous allez rester au téléphone. On va écouter un petit peu de pub. On revient juste après. Et vous aurez aussi votre mot à dire dans le foot quand on va parler dans un instant. Parce que je vous aime bien, Thierry. Vous bougez pas. Vous faites de la radio avec moi. Foot en plus. Eh ben, à tout de suite, Thierry. Raccrochez pas. On vous reprend juste après ça. Non. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez D. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. D. Faites-vous plaisir. Avec Touring, plus rien ne vous arrête. Même pour aller voir votre sœur et sa petite famille. Car nous vous offrons 2 mois gratuits sur votre assistance dépannage annuelle. Infos et conditions sur touring.be. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 € ou 129 € par mois en personnel lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5 000 € d'avantage. Véranda Confort. Info verandaconfort.be. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis. Des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre. Portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. 5 à 7. Avec Lise Burion qui va nous parler de sport tout de suite, on va parler de foot. Et avec Thierry, donc, qui est un auditeur qui est très bavard et qui va faire l'émission avec nous ce soir. Thierry, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui. Vous avez suivi le match des Diables vendredi? Oui. Vous savez qu'il y a d'autres équipes qui ont joué pendant le week-end? Certains, oui, parce qu'en fait, je vais vous dire que je suis tellement occupé avec mon travail que pour le moment, j'ai pas vraiment le temps de suivre le football, croyez-moi. Eh ben alors, ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'on va parler de ce qui s'est passé, ce que vous avez raté, parce qu'il y a tellement de matchs en ce moment qu'on a l'impression presque qu'on est revenu en arrière, qu'on est en plein euro, avec des matchs dans tous les sens ces jours-ci, Lise. Bah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la trêve internationale, hein, comme on dit souvent. Les championnats sont en pause et les équipes nationales prennent leur relais. Match de qualif pour le prochain mondial, là, c'est ça qui nous occupe ces jours-ci. Donc, on a eu droit à des matchs avant ou pendant le week-end, on en a d'autres après le week-end, donc maintenant. Les Diables Rouges, vous l'avez dit, ont battu la Bosnie vendredi, je vous apprends rien. Donc aujourd'hui, ils vont jouer contre Gibraltar. Alors Cyril, Thierry, le nom des habitants de Gibraltar. Thierry, vous avez une idée? Pas du tout, franchement, parler là, je vous le dis franchement, non. Les Gibraltais, j'essaie. Ouais, non. Gibraltariens. Voilà, les Gibraltariens. Les Gibraltariens, ce sont des membres assez récents de la FIFA et de l'UEFA, tout juste admis dans ces éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont été rajoutés un peu plus tard dans notre groupe. D'ailleurs, au moment du tirage au sort, on n'avait que 5 équipes dans le groupe des Belges, et puis finalement 6 avec l'ajout donc de Gibraltar, qui a déjà participé tout de même au qualif pour l'Euro. Première rencontre officielle pour cette équipe. 56 buts encaissés en 10 matchs. 10 défaites, du coup. Ouais. Parce qu'on tourne encore ce 56 buts en général. Pas des très bonnes stats. C'est pas évident de l'emporter. Alors, c'est un tout petit territoire, hein, on le rappelle, Gibraltar, 6 km², 30 000 habitants. C'était un petit peu comme si on décidait de faire jouer Arlon à tout niveau, le club de ces villes-là, contre les Diables, hein, 30 000 habitants. Pourquoi pas? Alors, on a des avocats, des profs, des pompiers, des étudiants, des policiers dans cette équipe. 4 joueurs pros, mais qui jouent en 3e, 5e, 8e division anglaise. Ouais. C'est quand même professionnel jusqu'en 8e division en Angleterre. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ils ont un autre boulot en plus pour cumuler, quoi. Non, ceux-là, ils sont vraiment ceux-là, ils sont pros. Mais, mais bon, ils ont des coéquipiers, pompiers, étudiants, etc. Un seul terrain de foot à Gibraltar, en pelouse artificielle. Donc du coup, ils ne jouent pas leur match là, l'équipe nationale. Le stade ne répond pas aux normes, donc ils jouent à 250 km de là, à Faro, au Portugal. C'est là que sont tous nos petits amis qui vont commenter le match ce soir sur la RTBF. Donc c'est un petit poussé européen finalement à Gibraltar. Encore plus bas, on peut dire, dans le niveau qu'Andorre ou Saint-Marin. Alors je vais reprendre le jeu de mots de Thierry Luters, qui est sur notre site internet. On joue un peu contre une Détroit de Gibraltar. Oula, Thierry au téléphone. Thierry, vous validez le jeu de mots de Thierry Luters ou pas? Ouais, plus ou moins. D'accord. Donc, bon, si vous arrivez à l'instant, Thierry est un auditeur qui tout à l'heure est passé à l'antenne et qui va faire la suite de l'émission avec nous au téléphone. Il intervient quand il veut. D'accord, Thierry, c'est votre émission. Oui. Parfait. Lise, alors on va le faire vite parce qu'il ne nous laisse pas quand même de super bons souvenirs, mais les Gallois ont encore fait parler d'eux ce week-end. Oui, hein, le pays de Galles qui nous a éliminés, faut-il le rappeler, à l'Euro. Alors les Gallois, ils ont innové ce week-end pour la photo de groupe. Vous savez, cette tradition en début de match, les joueurs se mettent tous ensemble. Donc en général, on fait ça sur deux lignes. Il y a 6 joueurs debout, 5 joueurs accroupis, ou de plus en plus haut d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils s'accroupissent de moins en moins, les joueurs. Ils sont pressés de faire vite la photo. Alors ici, les Gallois, jeudi contre l'Autriche, ils ont opté pour une ligne de 4 joueurs debout et donc du coup 7 accroupis, hein, puisqu'on le foot se joue à 11. Forcément. Et hier contre la Géorgie, c'était 3 debout, 8 accroupis. Donc pour ceux qui aiment la symétrie, c'est plus compliqué, puisque ça fait plus trop une image de groupe. Ça change. Mais ils peuvent faire comme ils veulent, de toute façon. Oui, je pense que c'est vite fait, bien fait. Alors, des nouvelles de l'équipe qui a gagné le plus de supporters ces derniers mois, c'est l'Islande qui continue ses fameux clapping. Bah oui, vous vous souvenez des célébrations des Islandais après leur victoire à l'Euro. On a dû en faire hier soir aussi à Cap 48 un clapping. Ah, mais c'est devenu vraiment à la mode, hein, ça, c'est sûr. Alors, ils ont encore de belles victoire à fêter, les Islandais et leurs fans, avec un match de dingue fin de semaine dernière contre la Finlande. 3 buts en première mi-temps déjà, mais c'était 1-2 pour la Finlande. Donc jusque-là, pas de clapping, parce qu'ils n'étaient pas trop à la fête, les Islandais. Le score n'a plus bougé jusqu'à la dernière minute. Et puis, ils ont renversé la situation. Ils ont gagné 3-2 avec des buts à la 90e et la 96e. Ces Islandais, toujours aussi renversants et rafraîchissants dans le football européen. Hier, ils ont continué. Ils ont battu la Turquie 2-0 dans un groupe difficile. Pourtant, 4 participants en dernier Euro. Ils sont deuxièmes pour l'instant, les Islandais. Donc, tout roule pour eux. Pour le moment, ça continue. Ils surfent sur la vague Euro. Et alors, par contre, l'Italie, elle a un peu de mal pour l'instant. Oui, il y a eu une belle boulette de Gigi Buffon, le gardien éternel de la Squadra, jeudi contre l'Espagne. Il a loupé complètement une sortie, donc ça arrive même au meilleur. L'Espagne donc a pris l'avantage. Et puis le sélectionneur italien Ventura a décidé de sortir son attaquant Pelé, qui n'a pas du tout bien pris la chose. Il a refusé de serrer la main du coach. Donc la fédération italienne a un petit peu sévi. Elle a renvoyé le joueur de la sélection pour manquement aux valeurs de l'équipe, manquement au respect aussi élémentaire. Pelé s'est excusé sur Internet. Il a reconnu avoir encore fait une connerie, fin de citation, donc c'est habitué, mais voilà, il a peut-être enterré tout seul sa carrière internationale, parce qu'il est parti jouer en Chine, là il fait cette sortie un peu ridicule dans un match international, donc voilà, au final l'Italie a quand même pris un point contre l'Espagne, mais ça a été difficile hier aussi contre la Macédoine, 146e nation mondiale, et qui menait encore 2-1 à une demi-heure de la fin, puis il y a eu des buts italiens aussi en fin de rencontre, mais c'est pas évident pour le moment d'être supporter italien, faut pas être cardiaque. Bah, courage à vous les Italiens. Thierry, vous savez qui a gagné l'Euro cette année? Si je ne me trompe pas, oui, le Portugal. Eh bien oui, ben justement, si on prenait des nouvelles de nos champions d'Europe, ils vont bien, eux. Ben, figurez-vous qu'après 2 matchs de qualif pour le prochain mondial, le Portugal est 3e seulement de son groupe, derrière la Suisse et les îles Féroé. Donc pour Ronaldo, c'est pas terrible, pas derrière les îles Féroé. Il faut dire qu'ils ont perdu en Suisse, les Portugais, sans Cristiano Ronaldo, parce qu'il leur manque quand même, hein, quand il n'est pas là, c'est pas pareil. Sauf en finale de l'Euro, là ça va, ils savent faire sans lui, c'est bon. Jeudi, il est revenu face à Andorre, il a planté un quadruplé, donc ça va. Ronaldo, il est de retour en forme, et ce soir, il se déplace aux îles Féroé, les Portugais. C'est la fête, aux îles Féroé. Je pense que Ronaldo va battre son record du monde de selfie, à mon avis, parce que tous les habitants des îles Féroé vont vouloir un selfie avec lui. C'est la grosse fête. Eh bien, on espère qu'il sera bien coiffé, alors, comme ça... Il est toujours bien coiffé. Ah ben, j'ai l'impression que je me fais engueuler, parce qu'il est toujours bien coiffé. Ophélie, vous n'êtes pas d'accord? Si. elle est fan de la personne. Merci Lise, bonne soirée. Ah Thierry, un commentaire sur Ronaldo? C'est un très bon joueur, je l'admets. Oui. Mais c'est pas mon préféré. D'accord, ok, bah merci. Mon préféré, il ne joue quasi plus au football. Ah bah ça c'est, oui, mais c'est qui? Alain Schilla. Ah ouais, bah ça c'est embêtant s'il joue presque plus. On peut pas... Un joueur qui joue actuellement au football maintenant que j'admire, non, je viens plus sur son nom, moi. Eh ben, vous y réfléchissez, on y revient dans un instant, en fait, Thierry. Il joue aux États-Unis, il joue plus en Europe. Hein. Ah, d'accord. Bah, dès que vous avez le nom, vous nous coupez, vous donnez le nom. Parce que là, on va parler de ce qui s'est passé hier dans Cap 48 à la télé. Ah, merci. Ce sera juste après la pause. On met un petit peu de pub. Allez, on revient juste après. On s'est fait hypnotiser avec Ophélie, entre autres, hier. Ça va, Ophélie? Vous êtes remise? Ah, j'ai du mal à travailler, mais je suis pas sûre que ce soit lié en fait. C'est juste l'heure tardive du coucher, ça. Ouais, ça doit être. Rien à voir. Hier, hypnose en direct, vous avez traduit du martien. On va réécouter ça dans un instant, Ophélie. Et on verra avec une spécialiste de l'hypnose ce qui s'est passé dans nos cerveaux à ce moment-là. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, Beka, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente, ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Non, rien. Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passez-moi. Je vais en faire une soupe de dingue, tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Dans un instant, l'image du jour avec Ophélie Fontana. Ophélie, on reviendra sur la campagne de vaccination de la grippe qui a démarré. Bah oui, exactement. C'est le jour J où cette campagne est lancée. On en parlera dans un instant. Mais avant, retour sur la soirée d'hier. Hier soir, Cap 48, avec de l'argent qui a été récolté. Beaucoup d'argent, on a battu les records. Plus de 5 500 000 euros. Merci énormément à vous toutes et vous tous qui avez fait vos dons hier. Mais il s'est passé un truc pendant la soirée, c'est qu'il y a Mesmer, le fascinateur, qui était sur le plateau. Et alors, avec d'autres de la RTBF, Ophélie, on s'est fait hypnotiser. Bah oui, et je sais pas si on n'y avez... croyait pas vraiment en tout cas. Personnellement, j'y croyais pas du tout. Ah ben moi, je pensais que tout le monde jouait. Et justement, depuis ce matin, vous avez probablement aussi les mêmes questions. C'est que tout le monde demande, alors... Ah oui, ça marche ou pas? Bah oui. C'est hallucinant. Alors, sincèrement, pour vous dire ce qui s'est passé, non, il n'y a pas eu de tri, je vous confirme. Ah non, mais en tout cas, faire ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même revu les images, faire ce que j'ai fait sans rigoler comme une malade, ça n'aurait pas été possible. Écoutez ce qui s'est passé hier. Donc, un moment pendant la soirée, nous sommes mis en condition par Mesmer, qui nous demande d'être à la rencontre, au contact d'un martien. Et Ophélie, vous devez traduire ce que disent deux martiens. Écoutez. Ophélie, maintenant, tu es la traductrice. Ok, messieurs, racontez-nous votre journée. Comment s'est passée votre journée en martien? Oh, ça. Tout s'est bien passé, j'ai bien mangé. Ça va. Mais c'est normal, c'est parce que c'est moi qui avais fait le repas pour toi. Ça se fait. Oui, mais quand même, c'était un peu lourd. Alors, aujourd'hui, vous ne comprenez plus rien, ça s'est passé, forcément. Non, pas vraiment. On va en parler avec le professeur Marie-Elisabeth Fémonville du service d'algologie des soins palliatifs au CHU de Liège. Vous êtes considérée comme la spécialiste de l'hypnose médicale en Belgique. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. Alors forcément, entre ce qui s'est passé hier soir dans le Cap 48 et votre métier, il y a un monde de différence. On n'est pas sur le même principe, en tout cas pas la même utilité de l'hypnose. Mais concrètement, parce que vraiment tout le monde nous demande est-ce que vous avez triché ou pas. La réponse, non, on n'a pas triché. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est hypnotisé? Donc, je pense d'abord que les gens qui ont été sur la scène étaient d'accord de jouer le jeu. Oui, on nous a dans pas forcé. Dans ce sens-là, qu'ils étaient d'accord de laisser venir les choses et observer qu'est-ce qui leur arrivait s'ils collaboraient avec le fascinateur qui était Mesmer. Mm-hmm. Et donc là, à ce moment-là, ils ont découvert qu'ils entrent en relation avec lui et ils se sont mis en hypnose, eux, pour pouvoir faire du spectacle. Et à ce moment-là, ils découvrent qu'ils sont capables d'avoir une imagination beaucoup plus fertile. Ils ont vu qu'ils étaient capables de faire des choses qu'en temps normal, ils ne feraient pas. Et ils découvrent qu'ils sont devenus très suggestibles. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, sans jugement, sans raisonnement et sans analyse, toutes les suggestions que le fascinateur Mesmer leur a données. Et ils ont suivi ces instructions parce qu'ils étaient dans une relation quand même de confiance, probablement, sinon ils se seraient protégés, ils ne se seraient pas mis en hypnose. Et ils ont suivi toutes les instructions, toutes les suggestions que l'hypnotiseur, le fascinateur Mesmer leur a données. Donc l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose est un talent que chaque individu possède. Et ce talent n'est pas développé de la même façon chez tous les individus. Il y a des individus qui sont très talentueux, qui sont des virtuoses de l'hypnose, et puis il y a des sujets qui sont plutôt des apprentis de l'hypnose. D'accord. Mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir se mettre en hypnose en présence de quelqu'un, donc une hétérohypnose, on est accompagné avec quelqu'un, c'est qu'il faut avoir confiance dans cette personne. Il faut donner son accord de suivre les instructions qu'il vous donne, parce qu'il utilise une façon de communiquer qui est bien spécifique avec les techniques hypnotiques. Et pourtant, il a l'air de parler normalement quand il nous parle. Ah ouais, mais il sait très bien comment il utilise ça, les suggestions qu'il vous fait. C'est une technique qu'il utilise, une technique de communication spécifique. Et il y a aussi un certain mimétisme qui s'installe, c'est-à-dire vous êtes en groupe, il y a quand même cet effet de groupe, de mimétisme, et le jeu qui est là derrière et l'amusement que vous avez font que vous suivez sans beaucoup d'analyse et de réflexion les suggestions qu'il donne. Mais donc vous confirmez que tout ce qui a pu se passer hier sur le plateau n'est pas exagéré, n'est pas du jeu de la part de l'équipe qui était sur scène? C'est seulement les individus sur la scène qui peuvent dire s'ils ont fait semblant ou s'ils ont réellement s'ils ont découvert qu'ils étaient capables de se mettre dans un autre mode de fonctionnement. En tout cas, pour notre part, Ophélie, on peut le dire, il n'y avait pas de triche. Non. Il n'y avait pas de jeu. Franchement, on nous demande ça aujourd'hui, maintenant, on est mort de rire à le faire. Donc, ce ne serait juste pas possible. Ouais. Donc, vous avez découvert que vous avez la possibilité de vous mettre en hypnose. Ce talent, il fait partie de chaque être humain. Et dans une relation de confiance dans laquelle vous étiez avec ce fascinateur, vous avez suivi toutes les suggestions qu'il a données. Et vous avez découvert que vous pourriez amuser le public avec vos pitreries que vous avez faites sur scène. Eh ben, la bonne nouvelle, Ophélie, c'est qu'on a au moins un talent. Oui, certainement. Voilà qui est bien. Merci, professeur, pour vos explications. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Oui. Il est 17h56. Avec un talent, c'est bien. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais on est content. Au moins, on a fait quelque chose de correct. Ophélie, oui. L'image du jour. En dehors du fait que vous avez traduit du martien, ça c'est quand même la première image de la journée. Mais sinon, c'est la vague de vaccination contre la grippe qui a démarré. Voilà, donc l'image du jour, c'est cette petite piqûre dans le bras qui peut finalement sauver des vies. Ça vous fait mal, le dire. C'est... Mais oui, mais ça peut sauver la vie puisque on a trop tendance à l'oublier, mais la grippe est une maladie mortelle. D'ailleurs, l'année dernière, 1500 personnes sont décédées de la grippe. Et donc, chaque année, c'est la même chose. On relance cette campagne de vaccination avec toujours cette même question. Est-ce que c'est efficace ou pas? Puisqu'il y a 1500 décès, donc on se dit quoi? Le vaccin ne sert à rien. Ben, non. C'est peut-être des gens qui ne font pas le vaccin aussi. Ça, c'est aussi possible, mais voilà, de toute façon, le vaccin n'a pas une efficacité à 100%. L'efficacité est de 60 à 70%. Donc ça a toujours été dit, c'est le cas d'ailleurs. On se fait piquer, on n'est pas sûr que ça marche. Voilà, on n'est pas sûr que ça marche parce que les souches, donc les différents types de grippe varient d'une année à l'autre en fonction de tas d'éléments. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine ici. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que cette année, le vaccin il sera plus efficace que l'année dernière. L'année dernière, il couvrait 3 souches de grippe. Cette année, il en couvrira 4. Donc c'est déjà mieux, mais il n'y aura jamais de protection totale. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ça réduit les risques de contamination de manière importante. Et ça permettra, même si vous faites quand même une grippe, si vous êtes vacciné, elle sera peut-être un peu moins forte et vous risquez surtout moins de complications parce que ce sont ces complications qui peuvent entraîner les décès. Qui peut se faire vacciner? C'est destiné à tout le monde? Tout le monde pourrait le faire, mais il y a quand même un public cible, un public pour lequel ça peut être le plus efficace, parce que public chez qui la grippe peut être plus dangereuse. Le plus courant, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans, elles sont plus fragiles. Donc elles, on leur recommande vraiment cette vaccination. Les femmes enceintes aussi, puisqu'il faut pouvoir protéger le bébé, éviter tout virus. Oui. C'est normal quand on est enceinte. Aussi toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, maladies pulmonaires, maladies cardiaques. Puis il ne faut pas oublier aussi les professionnels de la santé, puisqu'eux, ils sont en permanence au contact de malades. Donc si eux-mêmes sont confrontés à une personne qui a la grippe, il vaut mieux être protégé. Et puis, important aussi pour les personnes qui vivent sous le même toit qu'une personne malade, si vous vivez avec un malade chronique qui lui-même sera plus fragile, il vous sera recommandé de faire ce vaccin. En tout cas, chez nous, rappelons-le, il n'est pas obligatoire, il est vivement recommandé. D'accord. Cette année, il n'y a pas de campagne nationale même, c'est devenu presque une routine. À l'inverse, où en France, là, il y a vraiment une campagne d'État qui est menée, donc... On essaye davantage de sensibiliser la population. Il faut quand même aussi préciser que dans un cas sur dix, la grippe entraîne des complications qui peuvent donc être parfois mortelles. Et je rappelle quand même ce chiffre de 1500 personnes décédées l'année dernière. Oui, on peut mourir de la grippe. Et donc, si vous correspondez aux critères que je viens d'exposer, il est quand même recommandé de se faire vacciner. Hop là, ben voilà. Ça vous les piqûres ? Ça me dérange pas, moi. C'est vrai ? Non. Ah bah ça c'est. Je suis pas douillette, moi. Ça va, voilà. Prends ça dans ta face. Je ne sais pas si. J'aime pas les piqûres. Je n'aime pas les piqûres, j'aime pas les insectes. C'est la même chose. Tout ce qui pique, j'aime pas. Vous aimez les bijoux, par contre ? Oui. Beaux bijoux. Bijoux en or. J'aime préfère l'or blanc. L'or blanc. C'est pas ce que j'offre ce soir. J'offre une paire de boucles d'oreilles fabriquées en or équitable, s'il vous plaît. C'est pareil. 650 euros, ça vaut. C'est pas mal. C'est du beau cadeau. Vous voudriez les avoir ? Je peux pas jouer. Alors, vous pouvez pas jouer. Pour vous inscrire, il faut répondre à une question. Le commerce équitable, c'est quoi ? Un système de commerce qui promeut ou met en avant des produits cultivés avec des pesticides ? Un système de commerce basé sur le troc et l'échange ? Ou alors un système d'échange commercial qui garantit un salaire juste pour les producteurs ? Vous m'envoyez A, B ou C par SMS avec simplement le code équitable et votre réponse au 6003 pour 75 centimes. Le message A, B ou C. Moi, je connais la réponse, c'est dommage. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Le budget fédéral est-il bouclé ? Selon le vice-premier ministre Didier Reynders, les milliards étaient déjà trouvés ce matin à 11h lors de la reprise des discussions. Mais depuis, c'est beaucoup moins clair. Nous serons en direct du Lambermont dans un instant. Le secteur Horeca engage 2600 emplois supplémentaires au début de cette année par rapport à 2015. Est-ce que cette augmentation est liée à l'arrivée de la caisse intelligente dans les cafés ? Pas vraiment, si l'on en croit les responsables du secteur Horeca, vous l'entendrez. Des normes plus strictes pour un tueur silencieux et inodore, le radon. Aujourd'hui, le lien entre radon et cancer est clairement prouvé. Dans le journal des sports du football, on préface Gibraltar, Belgique, match de qualification pour la Coupe du Monde pour les Diables Rouges ce soir. Vous entendrez Eden Hazard qui parle des conseils de Thierry Henry aux attaquants belges dont on attend beaucoup de buts ce soir. Le journal sur Vivacité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les ministres du gouvernement fédéral ne répondent pas tous la même chose à cette question. Oui ou non, le budget est-il bouclé ? Les fameux 3 milliards sont-ils trouvés ? Oui, si l'on en croit Didier Reynders pour le MR, qui affirmait que tout était en ordre déjà ce matin. Pas tout à fait, si l'on suit Chris Peters ou des ministres NVA. Premier et vice-premier ont même dû faire une pause cet après-midi pour consulter leurs états-majors. Alors que se passe-t-il ? Accord sur le budget ou pas, alors que la déclaration de politique générale doit être présentée demain après-midi à la Chambre. Qu'en est-il, Fabien Van Eekhout ? On vous retrouve en direct du Lambermont, la résidence du Premier ministre. Sur l'état d'avancement exact des discussions, c'est toujours le flou le plus total. Un budget bouclé peut-être, 3 milliards restaient à trouver pour remettre 2016 sur les rails et baliser l'exercice 2017. Un budget bouclé, mais comment ? Mystère. Car on discute aussi en parallèle de différentes propositions de réformes, réforme de l'impôt des sociétés, réforme du temps de travail, réforme de la loi sur la construction des salaires, et puis la petite idée, la dernière idée en date du CDNV, une taxation sur les plus-values qui crispe ses partenaires. On est entré dans la dernière ligne droite. Charles Michel, on le sait, est attendu demain à la Chambre pour présenter sa déclaration de politique générale, ce qui veut dire que le temps presse. On est entré aussi dans le grand donnant-donnant final entre partis de la majorité. Si tu as ça, je veux ça. Si tu bloques ceci, je te bloque là. Bref, cela bloque encore parfois, d'où une interruption d'une heure tout à l'heure, le temps que chacun reparte, se calme un peu à son cabinet avant de revenir. Mais visiblement, l'accord final global n'est pas encore pour tout de suite. Récolter de l'argent, c'est bien, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Le gouvernement wallon est pointé du doigt par la Cour des comptes pour sa mauvaise gestion de la taxe circulation. Dans le document que vous avez été invité à payer, il y avait pour certains d'entre vous des erreurs. Vous êtes 90 000 au total dans le cas, et cela dure depuis plusieurs années sans correction, en cause des failles dans l'organisation, des problèmes informatiques, des données non fiables également pour établir les taxes. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Oui, le secteur Horeca engage 2600 emplois, c'est pas mal. C'est presque l'équivalent des postes perdus chez ING, par exemple. C'est la hausse du nombre d'emplois dans les cafés et restaurants pour les trois premiers mois de cette année par rapport à 2015. Prudence, estime toutefois le secteur. Tout d'abord, ces chiffres demandent confirmation pour les mois suivants, mais surtout, le nombre de faillites continue d'augmenter. Est-ce également lié à la caisse enregistreuse ? Écoutez la réaction de Jean-Louis Simonet, président de la Fédération Horeca Hainaut. Alors, je pense qu'il y a eu des mesures de soutien, des mesures en faveur de l'embauche, surtout premier emploi, donc pour les nouvelles et pour les créations d'entreprises. Donc, sur le premier trimestre, est-ce que ça vient, on va dire, de cet effet, tout au moins en partie ? Alors, est-ce que les mois qui suivent ne vont pas être avec des chiffres inférieurs ou un statu quo, en fonction, évidemment, des effets des attentats ? Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Donc, là, sur les trois premiers mois, enfin, c'est un signe positif. Est-ce que ces emplois supplémentaires ne sont pas simplement des emplois déclarés à cause de la nouvelle caisse intelligente ? Alors, de la création d'emplois ici, hein, donc on parle pas d'augmentation du nombre d'heures prestées. Donc, je pense que les profils étaient clairement, on va dire, déclarés. Il y avait peut-être une partie d'heures supplémentaires non déclarées. Et donc, ici, on n'est pas avec un lien, on va dire, entre les deux. Une interview signée Lionel Denebourg. Syndicats et direction de la banque ING se sont vus pour la première fois aujourd'hui depuis l'annonce du plan de restructuration. Plus de 3000 emplois menacés. La phase 1 de la procédure Renault a débuté. Les syndicats ont obtenu que la journée de lundi dernier, jour de l'annonce choc et où certains travailleurs avaient débrayé, les syndicats ont obtenu que cette journée soit payée. Les négociations vont aussi se faire pour ING et Record Bank en parallèle. Le conseil d'entreprise d'aujourd'hui s'est clôturé vers 17h30. On l'appelle un des tueurs silencieux, le radon. Entre 7 et 10% des cancers des poumons sont provoqués par l'exposition prolongée au radon. Et aujourd'hui, le lien est établi entre ce gaz dérivé de l'uranium et le cancer. C'est ce qui pousse l'Union européenne à abaisser d'ici 2018 le seuil tolérable de présence du radon dans les habitations. Le radon, c'est un des tueurs silencieux avec le monoxyde de carbone. Conséquence, en Belgique, le nombre de communes et de résidences concernées vont pratiquement doubler. Ce nombre va pratiquement doubler, et même si toutes les régions ne sont pas touchées par l'exposition au radon, l'Agence pour la sécurité nucléaire invite les citoyens à demander un détecteur de radon. Explication Thierry Van Gulik. Le radon, c'est le tueur parfait, incolore, inodore et insipide. Il s'infiltre dans les maisons par la cave ou les conduites mal isolées qui viennent du sous-sol. Et on sait désormais qu'il provoque parfois des cancers. Boris Dornskutter, inspecteur à l'Agence de sécurité nucléaire. On peut estimer qu'il y a à peu près entre 7 et 10% des cancers pulmonaires qui sont liés à une exposition au radon. L'Union européenne a donc décidé d'abaisser le seuil de tolérance de 400 à 300 becquerels par mètre cube à partir de 2018, d'où un plus grand nombre de communes et de maisons concernées. Actuellement, on peut estimer qu'il y a à peu près 21 000 maisons affectées, et ça va changer donc en 36 000 si on prend le niveau de référence à 300 becquerels par mètre cube. Mais pas de panique, le radon n'est pas présent partout. En Belgique, c'est surtout en Ardennes qu'on trouve beaucoup de radon, mais aussi dans les provinces de Namur et en Hainaut aussi, dans certaines zones où il y a du schiste dans le sous-sol. Il faut être longuement exposé au gaz pour en subir les effets néfastes. Et une fois la présence du gaz détectée, il est facile d'y remédier en isolant la cave et même en aérant simplement la maison deux fois par jour. Et pour en savoir plus sur cette campagne et le radon, un site internet www.actionradon.be. C'est un important coup de filet de la police fédérale ce week-end à Comines, en Hainaut occidental. 5 kilos de cannabis, près de 7 kilos de speed, plus de 12 500 pilules d'ecstasy, 657 timbres de LSD et 20 000 euros d'argent liquide saisis. Une valeur totale de 300 000 euros. Trois personnes ont été arrêtées et placées sous mandat d'arrêt. Le trafic s'effectuait depuis 2 ans chez un marchand d'or. Le gérant et sa belle-mère, tous les deux de nationalité russe, ont été arrêtés, ainsi que le compagnon de la belle-mère. Cette information judiciaire encore, Hicham Diop, l'ancien militaire qui a blessé deux policiers la semaine dernière à Schaerbeek, reste en prison un mois de plus, décision de la Chambre du Conseil. Et puis Cyril, pour la police allemande, cela ne fait pratiquement aucun doute. Le réfugié syrien de 22 ans, soupçonné de préparer un attentat en Allemagne et arrêté la nuit dernière, était lié au groupe terroriste État islamique. Son mode opératoire et son comportement le laissent supposer. L'homme a été arrêté après 48 heures de cavale. C'est un autre réfugié qui a permis de l'arrêter. Les explosifs retrouvés samedi dans un logement occupé par le suspect. Il y avait notamment du TATP. Ces explosifs devaient être utilisés à brève échéance, sans doute contre un aéroport ou une plateforme de transport, ce qui aurait ressemblé évidemment aux attentats de Zaventem. Merci David pour ce journal. Prochain point sur l'actu, c'est à 18h30. Il est 18h08. Partons sur les routes, voir comment ça roule ce soir. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Ça roule pas très très bien puisque vous êtes ralenti dans la plupart des tunnels de la capitale et sur le ring de Bruxelles. Circulation extrêmement dense aussi par endroit. En tout cas, 37 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem-Carrefour-Léonard, plus 27 minutes pour l'extérieur Zaventem-Grand Bigard, plus 16 pour l'intérieur Grand Bigard-Zaventem et plus 15 pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Vous ralentissez également pour quitter la capitale sur le 411 vers Namur entre Overijse et Wavre, sur le 429 vers Tournai entre Halle et Lembeek et sur le 314 vers Lumen entre Everlee et Holzbeek. Des gros embarras de circulation signalés sur le petit ring de Charleroi, le ring 9, puisque la 503 vers le ring 9 de Charleroi est fermée à la circulation, donc ça ne se passe pas vraiment bien de ce côté-là. On avait annoncé tout à l'heure un accident sur le 42 Liège-Mons à Biercé. C'est terminé, ça roule des deux côtés maintenant. Notez encore cet accident sur le 40 au stand de Gand, autour de l'OPEM, la bande droite est neutralisée en direction de Gand. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Maintenant chez Ici Paris XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisxl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand. Bonsoir David. Bonsoir Cyril. Les Diables Rouges sont au Portugal. À 20h45, ils affrontent Gibraltar. Oui, le troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie face à un adversaire modeste, très modeste même. Gibraltar pointe à la 205e place du ranking FIFA, la dernière. La Belgique, elle, est toujours deuxième derrière l'Argentine. On devrait donc théoriquement assister à un match à sens unique avec, qui sait, peut-être une pluie de buts. Quant à la composition d'équipe, Martinez devrait jouer la continuité par rapport au match de vendredi, sauf changement qui s'impose évidemment. Romelu Lukaku, légèrement blessé, ne jouera pas. Benteke ou Batshuayi à sa place. Defour devrait remplacer Fellaini. Chadli devrait lui prendre la place de Meunier, puis Simon diriger la défense à la place de Jordan Lukaku. Écoutez le sélectionneur Roberto Martinez. Non, je ne ferai aucun changement à moins d'y être obligé. Les choses sont très claires. Si tout le monde est fit, je remettrai la même équipe que contre la Bosnie-Herzégovine. Nous avons perdu Jordan Lukaku et Marouane Fellaini, donc ça fera d'office deux changements. Et puis, vous connaissez la situation de Romelu Lukaku et de Thorgan Hazard. Je vais évaluer leur cas et prendre une décision probablement ce lundi matin. Et ce soir, ce sont les attaquants qui devraient donc se régaler. Oui, des attaquants qui sont pris en charge, vous le savez, par Thierry Henry, l'ancien buteur en série de l'équipe de France et d'Arsenal. Travaille spécifiquement à la finition avec eux depuis son arrivée dans le staff de Martinez. Écoutez ce qu'en pense Eden Hazard, qui évoque aussi la tactique du coach espagnol. Thierry Henry, il est là voilà, pour aider les attaquants voilà, par son vécu. Il nous explique quelques voilà, petits trucs à changer dans les appels de balles, dans la finition. On travaille pas mal devant le but avec lui, différents exercices. Le coach, c'est vrai, j'aime pas faire la comparaison avec le coach avant, mais sur le match, il s'est adapté. Il y a eu un blessé, il a mis trois derrière. On a joué avec plus d'attaquants, les latéraux qui bougeaient beaucoup. Je pense que les deux latéraux sont importants dans notre système quand on joue avec trois défenseurs parce qu'ils apportent plus de possibilités, plus de mouvements. C'est la différence pour moi qui est le plus important. Interview Thierry Duterte, Emmanuel Jousse, notre duo qui commentera cette rencontre ce soir. Coup d'envoi de ce Gibraltar-Belgique à 20h45. Dans le même temps et dans le même groupe, la Bosnie accueille Chypre et la Grèce se déplace en Estonie. Rendez-vous évidemment sur Vivacité, mission complètement foot dès 20h et ça jusqu'à minuit avec David Oudret, Pascal Chimé et Alex Teclac. D'autres matchs qualificatifs pour cette Coupe du Monde en Russie prévus ce lundi soir également. On pointera dans le groupe A le choc entre les Pays-Bas et la France et puis le déplacement du Portugal aux îles Féroé où Ronaldo et sa bande devraient se régaler. En bref, du tennis, David Goffin ne gagnera plus le tournoi de Metz. Et pour cause, le tournoi qui était à l'étroit financièrement va disparaître du calendrier. La date a été vendue à un consortium taïwanais. Goffin avait remporté ce tournoi en 2014 et atteint les demi-finales cette année. Et puis en cyclisme, on dispute toute cette semaine toute une série d'épreuves au championnat du monde de Doha au Qatar, avec en point d'orgue évidemment dimanche la course en ligne. Aujourd'hui, c'était le contrat la montre Espoir. Le Belge Nathan Van Hooijdonk a pris la 27e place à 2 minutes et 25 secondes du vainqueur, l'Allemand Marco Matthys. L'autre Belge engagé, Sen Leysen, lui termine 47e. Merci David pour ce journal et bravo à vous aussi, parce qu'on l'a dit à Manu tout à l'heure, bravo aussi pour les 100 km pour Cap 48. Ah ben c'est bien amusé, bravo à vous, vous êtes toujours sous hypnose depuis hier soir. Non c'est bon, j'ai abandonné le petit martien hier de la soirée. Ça va, vous n'avez pas trop mal vous aujourd'hui? Ça va, musculairement etc, ça va, un petit peu de manque de sommeil quand même, j'aurais bien dormi 2 heures en plus ce matin, je ne cache pas, et je vais filer, oui. Ah ben, bonne sieste. Mais je serai là demain, je serai en pleine forme. Eh ben à demain David, passez une bonne soirée, il est 18h14. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Dans quelques minutes, dans le 5 à 7, les Taloches seront là. On va parler du Festival International du Rire de Liège. C'est du 20 au 23 octobre. On en parle avec eux dans un petit instant. On a quelques défis aussi pour eux avant 19h. Restez bien dans le coin. Il y a des cadeaux aussi à gagner. On en reparle dans quelques petites secondes. Il y aura Candice Cotter qui va venir nous faire un petit coucou pour nous parler de cuisine, comme tous les soirs. Et puis, il y a Thierry. Thierry qui est au téléphone depuis tout à l'heure. Il a appelé pour dire quelle était sa destination préférée en Belgique. Et puis, finalement, Thierry, il fait l'émission en équipe ce soir. Bonsoir, Thierry. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va toujours depuis tout à l'heure, Thierry? Oui. Ça va, l'émission vous plaît pour le moment? C'est comme vous voulez? Oui, vous inquiétez pas. Ah bah alors parfait. Vous aimez bien les Taloches? Oui, surtout un set en particulier. À lequel? C'est quand j'interprète la chanson, j'ai encore rêvé d'eux. Ah, ils sont géniaux là-dedans. Ce sketch est magique. Bon, on en reparlera avec eux, ça vous dirait de leur parler? Ça me dérangerait pas, gros. Oh, bah, si ça vous dérange pas, bah, restez là, parce que je m'étais dit à un moment, on va arrêter de passer, vous laisser passer votre soirée tranquillement aussi, Thierry. Mais si vous voulez leur parler, restez avec nous alors, parce qu'ils seront là dans quelques minutes. Thierry, ça vous dérange si j'appelle quelqu'un pour un concours, quelqu'un qui va repartir avec des bijoux? Oh, c'est pas grave, vous pouvez, moi. Restez là et tout de suite on compose le numéro de téléphone. Vous savez quoi, vous pouvez même vous-même dire à la personne que c'est gagné. Vous allez voir, on va faire ça en direct dans un instant. On appelle tout de suite quelqu'un qui a répondu à la question: le commerce équitable c'est quoi? Est-ce un système de commerce qui promeut, met en avant des produits cultivés avec des pesticides, un système de commerce basé sur le troc et l'échange, ou un système d'échange commercial qui garantit un salaire juste pour les producteurs? On va voir la réponse tout de suite, c'est parti, on compose le numéro de téléphone. Je vous rappelle qu'il y a à gagner une paire de boucles d'oreilles fabriquées en or équitable, et tout ça c'est dans le cadre de la semaine du commerce équitable, c'est jusqu'au 15 octobre. C'est la coopération belge au développement qui offre une paire de boucles d'oreilles en or équitable. Allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom? Françoise. Bonsoir Françoise, vous avez passé une bonne journée? Oui, agréable. Oui, tranquille. Françoise, j'ai l'impression qu'elle va bien se terminer cette soirée. Est-ce que c'est quoi la réponse à la question? C'était A, B ou C qu'il fallait m'envoyer? C'est A. C'est la réponse C, voyons. C'est la réponse C. Eh ben alors attendez, je me tourne vers Thierry. C'est Thierry qui va dire si vous avez gagné. Thierry? Ah ben oui, j'ai gagné. Ah ben voilà. Oh, merci. Bravo. Des boucles d'oreilles d'une valeur de 650 euros pour vous. C'est génial ça. Hein. Oui, quand même. Hein. Dites, c'est une belle surprise. Ah ben ça, n'est-ce pas? Dites-moi, vous êtes seul ou accompagné dans la vie? Non, j'ai mon mari près de moi. Ah bah j'imagine le mari qui doit se dire: youpi, je fais des économies, elle a reçu des bijoux et c'est même pas moi qui ai payé. Ah voilà. Ça c'est pas mal. Hein. Une souris. Eh bah en tout cas, c'est gagné. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, à bientôt. Ah merci Vivacité. Avec plaisir, au revoir. Thierry, vous restez pour la suite de l'émission alors, on fait comme ça? Je peux juste vous demander, je sais que c'est emmerdant de dire ça à la radio, mais vous en avez jusqu'à quelle heure? Ah ben, on fait jusqu'à 19h, mais si vous voulez partir, vous partez, Thierry, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous, c'est vous le patron aujourd'hui. Bon, je vais quand même essayer de parler aux taloches. Ah, ben d'accord, restez, ils sont là dans quelques minutes. Donc juste après la pause, on accueille les taloches et vous ferez votre interview, Thierry, à tout de suite. S-C-I-D, portée-fenêtre. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Surtout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Inferno. L'humanité est le mal et Inferno le remède. La suite tant attendue de Da Vinci Code et d'Anges et Démons. Pour y assister le 18 octobre à Bruxelles ou à Liège, 0905 56 474 57 par appel. Regardez, c'est un indice. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut, amis. Bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love, Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans quelques minutes, c'est Candice Cotter qui vient nous voir pour nous parler de cuisine, comme tous les soirs dans l'émission. Mais juste avant, ils sont arrivés, les frères Taloche sont là. Bonsoir. Mais bien le bonsoir. Ça va bien, en forme? Super bien. Ça a l'air, hein. Très bien. Il y a un petit événement qui démarre dans 10 jours, là. Oh, petit événement. Oui, on va dire qu'il y a un petit festival qui débarque bientôt à Liège, oui. Festival international du rire de Liège, ça impose quand on le dit. Oui, ça le fait. On retrouve que ça le fait. Mais c'est vrai, il est international, donc on doit le souligner. Ah bah ça c'est vrai. Forcément. Il est à Liège, il faut le dire, et c'est un festival. À un moment donné, tous les mots sont là. Tout est là. Et la pub est pas mensongère. Il y aura qui sur scène? Oh là là, vous avez 34 spectacles, mais on peut vous en citer déjà quelques-uns. Eh bah, si vous voulez. Eh bien, on a la chance d'accueillir Valérie Lemercier qui sera là au Forum de Liège le 21 octobre. Il y aura. Ben, on a la chance pour la première fois de. C'est la première fois qu'on se programme et qu'on va jouer notre pièce. Aussi. Oui, en 6 ans, c'est jamais autoprogrammé. Notre pièce, et ça fait quoi ça au moment de la négociation? C'était dur. Parce qu'on a la casquette de directeur du festival et d'artiste, donc on trouvait que les frères Taloche demandaient trop cher. Donc on a dit, les gars, il faut vous calmer. On a répondu, mais pour qui vous prenez, etc. Donc pour finir, on est tombé sur un accord tout à fait légitime. Voilà, donc on joue notre spectacle au Trocadéro le vendredi aussi. Il y a le nouveau spectacle de Claudia Tagbo qui est en création avec son nouveau spectacle qui est là. Mais malheureusement, c'est complet pour Claudia. parce que ça a été très vite aux places. Il y a Benabar. Grande surprise, hein, puisque vous savez que Benabar a coécrit une pièce dans laquelle il joue, mise en scène par Isabelle Nanty, une pièce de théâtre humoristique, et c'est pour ça que les gens nous disent, mais c'est marrant, il y a Benabar sur l'affiche. Oui, mais il chante normalement Benabar. Voilà, exactement. Mais il faut savoir qu'avant, Benabar écrivait, il a coécrit les séries H, vous vous rappelez, avec Jamel, etc. Ah oui, c'était génial. Oui, c'était un auteur, et donc avant de faire ses chansons, il était là. Et là, il a écrit une pièce, et donc on reçoit Benabar au Forum de Liège le dimanche. Je crois que c'est pour la première fois en Belgique d'ailleurs qu'il présente cette pièce. Ah, bah, il y a le nouveau spectacle de Pascal Légitimus aussi qui sera au troisième. Arnaud Samer. Arnaud Samer avec Baptiste Renaud Rutten. Il y a Sam Touzani qui sera là. Et puis alors, autant Jérémy en parler Ferrari. Aussi, parce qu'on là, on parle des gens les plus connus, mais il y a aussi des créations plus liégeoises, comme Sacré Liégeois, une revue qui se joue au Théâtre Arlequin. Il y a aussi une création dans un petit théâtre qui est l'Étuve. Il y a la Bouffonnerie, qui sont des plus petites salles avec des choses plus typiquement liégeoises. C'est important aussi, ça, quand on fait un festival, de pouvoir aider des artistes, des troupes qui n'ont pas l'exposition d'un Ferrari, par exemple. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'était évident que pour créer un festival aussi grand, on est obligé d'avoir, comment on appelle, des locomotives. Donc, on a cité les principaux noms. Mais nous, ce qui nous amuse aussi, c'est de pouvoir faire découvrir aux festivaliers des gens qui n'ont peut-être jamais vu et qui n'ont parfois même jamais entendu le nom, que ce soit parfois des artistes suisses, québécois, ou comme Bruno l'a dit, des Belges et des Liégeois. Donc, c'est pour ça que notre grande chance avec le Festival de Liège, c'est de pouvoir travailler à 14 lieux, qui vont du forum qui fait 2000 places à l'Étuve qui fait 50 places. Il y a un peu toutes les jauges pour pouvoir accepter toutes les notoriétés. Et ben on va continuer à parler de ce Festival International du Rire à Liège qui se déroule du 20 au 23 octobre. Juste avant de retrouver Candice, il y a Thierry qui est un auditeur qui depuis une heure est au téléphone et fait l'émission avec moi. Voilà, on n'a pas grand chose de lui envoyer un salaire à Thierry. Thierry, vous vouliez parler aux taloches? Oui. Et ben ils sont bonjour là, Thierry. Bonsoir plutôt. Bonjour. Si je ne me trompe pas, vous êtes le plus petit de taille, Vincent. Alors, oui, mais vous commencez mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Alors, le prénom, c'est vrai, mais tout le monde pense que je suis plus petit que mon frère. Et j'ai la même taille, 1m80, mais on m'a toujours pris pour le petit. On ne sait pas pourquoi. Parce que vous paraissez petit sur ça, non? Mais oui, c'est ça. Alors voilà, mais je vous confirme que mon frère et moi avons la même taille, mais ça ne vous empêche pas de nous souhaiter un bonsoir, comme vous l'avez fait. Nous vous en remercions. Voilà, c'est tout ce que vous voulez savoir? Vous voulez faire un comparatif des tailles, Thierry? Non, c'est parce qu'en fait, je suis déjà heureux de pouvoir leur parler parce que c'est deux personnes que moi j'admire, ainsi que ma fille. Ah, c'est bien. En tant qu'artiste belge en plus. Vous êtes d'où, Thierry? Moi, j'habite à Louvière, mais mes origines sont maroliennes en fait. D'accord. Ah bah Thierry, merci en tout cas d'avoir fait une grande partie de l'émission avec nous. Je pourrais juste vous demander un petit service. Je sais que c'est normalement on ne peut pas faire ça, mais je voudrais vous le demander. Ça dépend ce que c'est, ouais, si c'est légal. C'est légal, oui. C'est simplement pour vous demander si je pourrais passer mon fils aîné au Talos parce qu'il a envie de leur parler. C'est son rêve en fait. Alors, on a juste un petit problème de timing, mais on va faire ça en antenne si ça vous dérange pas. Vous êtes d'accord, Thierry? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, on fait ça hors antenne et là, il est 18h25 parce qu'il y a de la pub qui arrive. Mais juste avant, Candice est là. 5 à 7. Comme tous les jours dans le 5 à 7, on va passer une petite tête en cuisine, voir ce qui s'y passe. Il y a Candice Cotter qui est dans la cuisine de Vivacité tout le temps. Elle est là, elle ne bouge pas. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril. Je rassure tout le monde, je bouge de temps en temps. Je rentre à ma maison de temps en temps. Mais ce soir, je dois être là parce qu'il y a quelque chose d'absolument indispensable à vous partager. Indispensable. Un gadget culinaire, il y a un avant et un après ce truc. Ah. Je le vends un peu trop bien, vous allez être déçus. La dernière fois que vous avez dit ça, on a reçu des dizaines de mails qui nous demandaient les références du produit. La machine à pâte de noisettes, de noix, etc. Alors attention, ne remplissez pas toutes les boîtes mails de la boîte. Eh bien honnêtement, sur ce coup-là, je trouve ça quand même pas mal. Gadget culinaire donc, qui correspond à la tendance selfie du moment. Donc le selfie, tout le monde voit bien, l'autophoto, en gros, hein, qu'on pose sur Internet, ça s'exporte de plus en plus. Eh bien place ce soir au toaster selfie. Le cadeau fun pour un ou une fan de selfie. Le principe est simple. Vous téléchargez une de vos plus belles photos, vous l'envoyez à une compagnie qui s'occupe de ça, qui s'appelle la Vermont Novelty Toaster Corporation. Elle se charge de répondre à vos désirs en vous envoyant votre grille-pain avec à l'effigie de la photo que vous avez envoyée. Tout le monde se souvient de ces toasts avec Mickey Mouse dessus. Ah oui, Se souvient de ces toasts avec à l'effigie de Jésus que vous avez vu pas mal sur Internet. Il y a eu tous des trucs religieux comme ça, c'était assez drôle. Eh bien, vous avez dans cette lignée, ils utilisent la même chose, c'est une plaque de gravure en fait, pour vous faire votre toaster selfie, donc pour faire votre propre toast à l'effigie de votre photo. Vous pouvez même choisir la couleur d'impression. si ça, c'est une pas couleur, ouais, carrément. Non, non, sérieusement, c'est trop beau. Mais donc, du coup, quoi, c'est sur la tartine va être colorée. Exactement. Donc, vous avez en relief sur une tartine de pain blanc, par exemple, en rouge ou en vert, ou peu importe, en bleu, si vous aimez, votre photo avec un relief. C'est en gravant sur une plaque métallique un selfie de son fils que l'inventeur de ça, donc Galen Dively, a eu l'idée de se faire des selfie toast. Donc, en fait, tout d'abord, il télécharge les clichés sur son ordi, il manipule la couleur et le contraste. C'est pour ça que vous avez un selfie qui rend bien sur le toast, pas un truc approximatif où on a l'air bizarre dessus, un truc où il y a un vrai visage, ce qui n'est pas toujours le cas. Afin que les photos puissent être imprimées sur du pain grillé, et ensuite sur son deuxième ordi, il lit les images à travers un coupeur de plasma, et il presse quelques boutons afin que le selfie soit découpé en tôle. Donc il vous fait votre plaque de gravure à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement insérer la plaque de gravure, enfin ils le font pour vous, la plaque de gravure dans le toaster, et vous avez votre toast qui sort complètement personnalisé. C'est génial. C'est simple, c'est génial, je trouve ça franchement fun. Vous comptez 50 euros, c'est même pas c'est si cher. Pas exagéré, mais non, que... Oui, voilà, c'est... Pour le grille-pain, donc votre grille-pain rien qu'à vous, et vous n'hésitez pas non plus à inscrire des phrases, des symboles, des prénoms sur votre pain grillé si vous avez envie. C'est sympa pour faire une annonce de bébé, c'est sympa pour faire une demande en mariage, si vous aimez, ça peut être assez fun si vous aimez ça. Pour l'annonce de bébé, c'est sympa, mais le problème c'est que vous l'avez tous les matins, alors l'annonce. Oui, mais ça, c'est un chouette reminder de ce beau moment partagé en couple. C'est vrai, aussi, oui. Et c'est un moment romantique, espèce d'ignoble. Voilà, allez, on peut mettre un effort. Un dépêche-toi, parce que comme c'est souvent le matin, les toasts, ça rappelle au petit déjeuner qu'il faut aller Cyril, à l'école, au travail. Ça pue le divorce chez vous, ça. Ça pue le divorce chez vous, faites attention. Non, tout va bien en plus. Oui, c'est vrai. www.burnedimpression, donc burntimpressionbrulée.com. Et sur Amazon, je vous mets le lien, vous avez tout sur vivacité.be, donc vous n'avez qu'à faire un clic et vous tombez sur tout. Vous avez le lien d'Amazon pour acheter en direct d'Amazon. Donc là, vous n'avez pas de frais de port. Sur leur site, vous avez des frais de port, mais vous avez plus d'explications. C'est pour ça que je vous mets quand même les deux. Pas de frais de port sur Amazon. Vous avez direct votre toaster à 50 euros qui arrive jusque chez vous. J'ai trouvé une autre idée. Un gros panneau attention et juste écrit kilo en dessous. Ah, méchant ça. Ouh. Ah, ça j'y m'assurais avec cette histoire. Attention, bikini. Ouais. Ah ben voilà, ça c'est plus bien subtil, ouais, c'est vrai. Mais le message passe de manière aussi claire. C'est vrai. Bon, je vais aller réserver ça tout de suite. Bon. Merci Candice, à demain. De rien, heureusement qu'on est en septembre. En octobre, mon Dieu, déjà octobre. Et oui, ça passe vite le temps. Tellement vite qu'il est déjà 18h30. Voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Important coup de filet réalisé par la police fédérale ce week-end à Comines. Une vingtaine de kilos de drogue et 12 000 pilules d'ecstasy notamment ont été saisies. Le trafic durait depuis 2 ans dans le magasin d'un marchand d'or. Le gérant et sa belle-mère, 2 Russes, ont été arrêtés, ainsi que le compagnon de la belle-mère. La valeur de revente des nombreux produits représente 30 000 euros. Plusieurs organisations belges ont lancé des appels aux dons pour Haïti. Le passage de l'ouragan Matthew a fait plus de 400 morts dans l'île des Caraïbes. Environ 1 million de personnes, dont la moitié d'enfants, vivent dans les zones touchées. Et 350 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Ce sont les estimations de la Croix-Rouge. On entendra la porte-parole de l'association à 19h. Et puis en football, les Diables sont au Portugal. Ils y affrontent ce soir Gibraltar. Troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Gibraltar classé dernier au ranking FIFA. Début de la rencontre à 20h45. À suivre évidemment tout à l'heure sur Vivacité. Voilà, je vous retrouve à 19h Cyril. Bah, à tout à l'heure Natacha, vous risquez un pronostic pour ce soir? Non. Bah, merci. Bonne soirée Natacha. Je vous laisse. Rendez-vous donc dans une petite demi-heure. Au niveau de la météo ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera. Les brumes et bandes brouillards en profiteront pour se reformer. Les minima descendront entre 1 et 4 degrés. Demain, après la dissipation de la grisaille matinale, alternance d'éclaircies et de passages nuageux, le risque d'averse sera beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. Et on parlera même d'un temps sec pour demain. Ça, c'est pas mal. Les maxima seront cependant identiques à celles d'aujourd'hui. Il est 18h31. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, est-ce que ça roule correctement ou pas ce soir? On commence à voir un petit peu le bout du tunnel dans le sur le ring de Bruxelles, puisqu'on n'est plus, entre guillemets, je dis bien entre parenthèses, que 26 minutes supplémentaires pour Zaventem Grand Billard en circulation extérieure, plus 22 minutes en intérieur, Zaventem Carrefour Léonard, plus 14 minutes en intérieur, Grand Billard, Zaventem. Vous ralentissez également toujours sur les axes pour quitter Bruxelles, sur le 429 vers Tournai, entre Halle et Lembeek, sur le 314 vers Lumen, entre Louvain et Rental. accident sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Houdinguenis. Le passage est difficile en direction de Mons. Plusieurs véhicules impliqués. Vous perdez une petite vingtaine de minutes. Puis des ralentissements sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Orions et Mons. Sont les travaux vers Liège. Ça roule maintenant. Vers Namur, vous êtes ralenti entre Flémal et Saint-Georges. Et on termine par un accident sur le 40 Ostende-Gand à hauteur de Lopem. La bande droite est neutralisée en direction de Gand. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Et je suis pas tout seul ce soir dans le 5 à 7, il y a les frères Taloche qui sont avec moi. On parle du Festival International du Rire de Liège. Est-ce que vous êtes prêts à tout pour la promo du festival? Bah, prêt à tout, alors on vous fait confiance, ouais. On va dire oui, mais méfiez-vous si ça dépasse nos compétences. Il y a des défis qui arrivent. Oulala! Oulala! Tout ça c'est dans quelques minutes, avant ça on part aux États-Unis. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison-Blanche. L'aventure de la course à la Maison-Blanche, vous pouvez la suivre sur Facebook et la page La Course à la Maison-Blanche ou simplement sur rtbf.be/la-maison-blanche. Et justement, tous les soirs, on fait un point dans le 5 à 7. On va retrouver Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril. Alors la semaine dernière, on vous avait laissé à Los Angeles. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors là, pour quelques heures encore, je suis à El Paso. El Paso, c'est la sixième ville du Texas en termes de population et c'est totalement à l'ouest de l'État. C'est une ville dans laquelle il vaut mieux connaître quelques mots d'espagnol parce qu'elle se trouve à la frontière avec le Mexique et un tiers de la population est d'origine hispanique. Vous pouvez nous faire un petit mot en espagnol alors? Si, señor. On sent une maîtrise. Non, en fait, pas vraiment. Comment ça se ressent alors ça, cet esprit dans la ville? Ben, en fait, Cyril, si vous aimez la cuisine Tex-Mex, c'est vraiment the place to be. Tacos, burritos, enchiladas à tous les étages. Que ce soit dans les restos, les gares routières ou les services publics, ici tout est affiché dans les deux langues, en anglais et en espagnol. Et pour le reste, eh ben, c'est une ville américaine assez classique, très proprette et même un peu trop calme. Elle est considérée comme l'une des plus sûres des États-Unis. Et vous y êtes resté longtemps ? Un jour et demi à peu près. Alors on imagine que vous n'avez pas fait que manger des tacos ? Non, alors j'ai justement fait un reportage sur ces hispaniques qui sont en train de changer le visage de l'Amérique. Ils sont près de 60 millions ici aux USA et leur vote va peser lourd hein, forcément pour la présidentielle. Un vote qui pourrait faire très très mal à Donald Trump qui a en partie basé sa campagne sur la lutte contre l'immigration clandestine avec ce projet notamment de bâtir un mur s'il est élu entre le Mexique et les États-Unis. Alors pour le moment justement, donc ça c'est son projet, mais elle ressemble à quoi cette frontière ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de mur, en tout cas pas visible, mais des grillages, des barbelés et un pont de 300 mètres de long. Je l'ai emprunté hier, j'ai passé cette frontière dans les deux sens. Alors de l'autre côté, c'est la ville mexicaine de Juarez, qui elle est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Je m'y suis un peu baladé dans l'après-midi et le contraste est vraiment saisissant avec El Paso. C'est très animé, il y a des mariachis dans les rues, des maisons basses contre des buildings côté américain. On est vraiment au Mexique. Et vous n'avez pas eu de difficulté, vous, à repasser dans l'autre sens alors ? Alors, j'ai quand même eu quelques sueurs froides au contrôle. Hein. On se demande toujours si ça va passer. Mais bon, avec mon passeport français et mon visa américain, c'est passé sans problème. C'est une route que prennent chaque jour des milliers de personnes hein, qui vont travailler par exemple aux États-Unis ou qui viennent des États-Unis pour visiter leur famille au Mexique, sans compter bien sûr tous ceux qui passent la frontière clandestinement. Et on m'a expliqué que c'était relativement courant et relativement facile ici à El Paso. Et alors la prochaine étape pour vous, Sébastien, ce sera quoi ? Vous allez où ? Alors la prochaine étape pour moi, ce sera Little Rock en Arkansas, comme disent les Américains. Je prends l'avion dans 3 heures maintenant et je fais un bond de 1500 km au-dessus du Texas, qui est immense. C'est quand même le deuxième État américain le plus vaste après l'Alaska. Mais il me reste à vous souhaiter un bon vol et puis on se dit à très bientôt dans le 5 à 7. Merci Cyril, à bientôt. Et alors tout ce dont on vient de parler, vous pouvez le retrouver en images bien sûr. C'est sur rtbf.be/la-maison-blanche ou sur la page Facebook La Course à la Maison-Blanche. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi ? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Salut, c'est Hip. Faites de fantastiques économies grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Achetez deux livres, CD ou DVD et recevez, bam, le troisième gratuit. Faites vite, vous n'avez que jusqu'à demain pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Hé, hey, bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Bonjour monsieur, bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis comment tu vas? Bien, merci monsieur. Et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal. Il paraît que tu fais la Polo à prix d'un mille à 9 890 €. Oui. Ah bah je me suis dit, tiens, j'irais bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas, Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890 €. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 € avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Quadrus October Days, Action Carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue. 736 74 36. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Il est 18h39, il y a tout à l'heure les enfants de cœur qui seront là. On écoutera les meilleurs moments de l'émission du dimanche. C'est tous les soirs dans le 5 à 7. Il y a des cadeaux aussi à gagner. Et qui de mieux pour en parler que les organisateurs du Festival International du Rire de Liège, puisque justement, c'est des places pour aller voir James Dino. Ah. C'est les frères Taloche qui sont invités de ce 5 à 7 ce soir. Comment est-ce qu'on peut parler du spectacle de James Dino, qu'on connaît bien à la RTBF? On le voit à la télé, on entend la radio. Moi, je l'ai vu, le spectacle. Ben c'est, il mêle à la fois son côté un petit peu rappeur, je dirais, et son côté humoristique qu'on retrouve, humour qu'on retrouve à travers les enfants de cœur, comme vous dites, mais maintenant aussi à travers les séquences qu'il fait dans le Grand Cactus avec Jérôme Dewarzé. Et je trouve qu'il a une belle présence en scène et franchement, ça vaut la peine d'aller le découvrir ou le redécouvrir. Il reste quelques places, mais ça marche très bien aux réservations. Donc il ne faut pas tarder pour aller voir James Dino au Vourir. Donc deux possibilités, acheter les places ou peut-être en gagner. Alors j'en offre que deux, donc si vous ne les avez pas ce soir, il faut aller acheter les dernières places. Ce sera le vendredi 21 octobre à 21h30 à la Courte Échelle, donc on est en plein cœur de Liège. Oui, une petite salle de 80 places très sympathique qui nous suit depuis le début du festival. Donc si vous voulez gagner, vous envoyez RIRE par SMS au 6003 pour 75 centimes. Le message, bonne chance à vous, ça tombe avant 19h. Le Vous Rire Festival avec, donc on l'a dit tout à l'heure, Claudia Tagbo, Pascal Légitimus, Arnaud de Samer, Benabar, Valérie Lemercier et plein d'autres. Il y a besoin de promos, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il faut remplir les salles. Oui. Bah ça fait 37 spectacles dans 14 salles, donc il ne faut pas croire que tout se remplit comme ça. Donc on a besoin d'en parler. On se rend compte que les gens sont sollicités quand même dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de loisirs. Donc c'est vrai que c'est important de parler de tous les spectacles. Alors on va faire justement un petit jeu jeu promo. Okay. J'ai deux tasses avec moi. Ouais. Dans une des tasses, il y a des accents. Dans l'autre tasse, il y a des situations. On va faire un mélange, voilà, vous tirez au sort. Ne soyez pas étonnés, c'est des tasses usagées. Il y a encore un fond de café dedans. Okay. Voilà, c'est les services publics, on fait avec les budgets qu'on a. Voilà, vous tirez au sort à l'intérieur. Voilà, je passe les tasses en direct. Et donc, chacun. Voilà, oui, chacun un dans chaque tasse. Alors, on a quoi comme papier? Film d'horreur. Film d'horreur. Moi, et alors, il faut tirer un accent aussi. Québécois. Ah ben voilà, on va faire film d'horreur québécois. Promo du Festival du Rire en version film d'horreur québécois. C'est-à-dire que faire les deux, ça va être assez compliqué. Hein. Je veux bien essayer. À deux, mais qui un fait l'accent et l'autre fait les. Ah ben vous êtes. On est dans un film d'horreur, qui donne envie d'aller voir le Festival du Rire. C'est compliqué. À cette heure-ci, oui. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Marc Toesca. On va écouter Pop Story. Ça laisse 3-4 minutes pour préparer. Vous nous faites un bout de film après. D'accord. D'accord. Merci. Allez, à tout de suite. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story propose de vous rafraîchir les neurones avec quelques chansons à paillettes et bubules, symboles de la variété colorée et débridée de nos années 80. Qui se souvient par exemple de Sandy Martin ? Un grand jeune homme blond qui, comme son nom ne l'indique pas, est croate et star très éphémère de l'italo-disco. C'était il y a tout juste 3 décennies, en 1986, toute une génération de jeunes filles en bandana et leggings se trémoussait sur « Exotic and Erotic ». Quelques mois plus tôt, toujours en 86, c'est Valérie Dore, un autre pur produit du style Italo-Disco fabriqué à la chaîne dans les studios de Bologne, Milan, Rimini, qui cartonnait dans les tops européens. 3 décennies plus tard, le kitschissime est intact. La chanteuse, qui au final n'est pas chanteuse mais seulement doublure pour le clip et les pochettes de disques, est toute vêtue de dentelles, de froufrou et bouge avec autant de grâce qu'un plat de lasagne sous acide. Aujourd'hui, le côté mielleux des mélodies et le son un peu moisi des années 80 prêtent à sourire. Mais combien étiez-vous au Macumba ou autre galaxie à danser le samedi soir sur ces musiques, les yeux fermés, l'air inspiré et les bras dessinant au ralenti de grands cercles imaginaires ? Où est-ce qu'on est ? J'ai reçu le texto que vous étiez défoncé et vous vouliez faire la fête. Pour ceux qui feraient mine d'avoir oublié, voici Ken Laszlo, un autre empereur du genre, est classé dans toute l'Europe en 85 avec Hey Hey Guy. Pour terminer ce petit tour d'horizon des tubes paillettes et fluo de nos années 80, de cette variété qui osait et pouvait tout se permettre, comme parfois des espagnolades improbables du genre Amor de mis amores de Paco. Paco, qui est en fait un publicitaire reconverti le temps d'un 45 tours en chanteur de flamenco. Au mois de novembre 88, Amor de mis amores est numéro 1 en France. Olé ! Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores. Hagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente solo se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. C'était classé numéro 1 au mois de novembre 88. Paco, Amor de mis amores. Pop Story. L'histoire des hits. Dans un instant, dans le 5 à 7, on saura qui repart avec ses places pour aller voir James Dino au Vous Rire Festival. Ce sera le 21 octobre, vendredi, à 21h30, à la Courte Échelle, en plein cœur de Liège. Si vous avez envie de gagner vos places, bah c'est maintenant qu'il faut jouer. Vous envoyez Rire par SMS au 60-03. Dans quelques minutes, ce sera trop tard. Les frères Taloche sont mes invités ce soir. On continue à parler du Vous Rire Festival de Liège, le festival international du rire, juste après ça. La, la, la. En En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah, mais bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez, là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Vivacité présente... Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 € et vous pouvez continuer à verser sur le compte VO35 8x0 37 37. Bonsoir. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaisa, partenaire naturel de Cap 48. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED. LED. Electro. Wi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watio, chaussée de Namur à Nivelles, voire conditions en magasin. Alors, père, on va chez Tante Nicole et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 16 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée. Idée Châssis. Le dimanche 16 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez Idée Châssis à Jean-Blou. IdéeChassis.be. Jusqu'à 19h. 5 à 7. On retrouve les enfants de cœur dans un instant dans le 5 à 7 sur Vivacité, comme tous les soirs. Et puis, on saura qui repart avec ses places pour aller voir James Dino au Festival International du Rire de Liège. Et justement, on en parle ce soir avec les organisateurs, les grands maîtres du festival. C'est vous qui sélectionnez, donc les frères Taloche qui sont invités ce soir. Vous sélectionnez qui monte sur scène ou pas. Oui, en fait, c'est-à-dire, on a un comité de programmation, on est à deux, mon frère et moi. Oui, c'est ça. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est vrai qu'on va voir énormément de spectacles, que ce soit dans d'autres festivals, ou à Paris, ou à Bruxelles, ou ailleurs. On va voir énormément de choses. On reçoit aussi, parfois, des images de nouveaux talents qui n'ont peut-être pas encore tout un spectacle. Donc voilà, on en discute beaucoup. On essaie de faire attention à une chose, c'est d'avoir tous les styles d'humour représentés. Mmh. Donc on n'est absolument pas sectaire, au contraire. Donc on aime bien, chaque année, de pouvoir programmer de l'humour cynique, de l'humour burlesque, de l'humour musical, des spectacles pour enfants, voilà. C'est-à-dire, nous, on part toujours du principe que celui qui va avoir le flyer, celui qui va sur le site internet, qu'il puisse trouver quelque chose à son goût. Et c'est pour ça qu'on a vraiment toutes les sortes d'humour. Après, celui qui n'aime rien, je pense peut-être alors qu'il n'a pas beaucoup d'humour. On peut rien pour lui. C'est ça, forcément. Quand vous n'êtes pas d'accord, qui gagne? Il y a une règle entre vous? Il y en a un qui a le dernier mot? Quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, on tombe souvent comme assez vite d'accord. C'est parce que je te menace. Voilà. Ou que j'appelle maman. On se fait assez bien confiance aussi sur la programmation. Donc si on a des goûts quand même qui sont assez similaires, ça veut dire que s'il aime beaucoup un spectacle, c'est rare quand moi je vais le détester. Forcément. Voilà, donc, ou alors uniquement pour me contrarier. Ouais, mais non, et je retéléphone à maman. Et on aime bien aussi d'avoir des découvertes, ça veut dire que des programmer des artistes ou des spectacles dans le festival que les gens ne connaissent pas. Bah justement, voilà. Cette année, s'il y a un coup de cœur à ressortir, pas un seul, oula, c'est compliqué. On va faire un chacun. D'accord, bah voilà, ça c'est très bien. Alors moi je dirais peut-être Saïdou Abacha, qui est un franco-camerounais qu'on a rencontré à travers pas mal de festivals, nous en Suisse. Suisse et à Québec, et qui est un conteur, donc qui raconte des choses, des contes de son village, de son enfance, donc c'est à la fois poétique et comique, et franchement, ça vaut le détour. Il joue dans une toute petite salle à la Courte Échelle, le vendredi 21 octobre, le même jour que James Dino. D'ailleurs, avant James Dino, il joue à 19h, et c'est vraiment à découvrir, donc je le conseille à tous les auditeurs. Et moi, je dirais un petit coup de pouce, un petit coup de cœur aux Virtuoses. C'est un duo d'humour musical français. Ils viennent de Lille, ils ne sont pas très loin de chez nous. On les avait reçus à Signé-Taloche et ils amènent quelque chose de neuf dans l'humour musical. Il y a une performance musicale, mais c'est très drôle, c'est très mis en scène. Il y en a, ils ressemblent un peu au chanteur M comme ça. Ils font de la lévitation au-dessus de leur piano. Il y a un mélange de performance musicale impressionnante et d'humour. Et on les a fait jouer dans une salle. Ils n'en reviennent pas encore. Chaque année, on a le droit d'utiliser la salle de l'orchestre Philharmonique Royale de Liège, qui est une salle de 1000 places magnifique. On l'utilise chaque année dans le cadre du Vrir. Toujours, on essaye d'y mettre un spectacle d'humour musical. Cette année, c'est les Virtuoses. Et oui, je le conseille parce que ça permet aux spectateurs de non seulement de passer un bon moment, mais de découvrir une salle prestigieuse. Eh ben, c'est les deux qui sont associés là sur cette soirée-là. Et puis, il y a tout le programme que vous retrouvez sur vousrire.be. Combien de spectacles au total on a 35 spectacles. Ouais, c'est ça. Entre 40 artistes. Et 40, ouais. Ça arrive d'avoir un spectateur qui fait tous? Alors ça c'est impossible parce que comme il n'y arrivera pas en même temps. Non. Mais il y a beaucoup de spectacles qui jouent en même temps. Ouais. On essaie de varier les horaires, des spectacles à 17h, des spectacles à 19h. Mais on ne peut pas tous les faire. Même nous, on n'y arrive pas. Même nous, on ne peut pas le faire. Mais nous, on a un avantage, on les a vus avant. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas une susceptibilité en disant « Ah, ils ne sont pas dans la salle, donc c'est qu'ils n'aiment pas mon spectacle. » Non, on les prévient. Alors, on fait un truc très rigolo. On dit déjà à l'avance, on ne t'aime pas, toi. Oui, on ne t'aime pas. Non, il y a un truc rigolo, mais ils le savent, mais pas toujours. C'est que faut savoir qu'on circule. C'est-à-dire que c'est notre petite récompense à nous tous les soirs. Il y a des chauffeurs du festival comme ça avec les navettes. Il y en a un qui nous. On se sépare et tous les soirs à partir de 20h, on fait 10 minutes dans chaque salle. La voiture roule, ça ne coupe pas le moteur. On lui dit juste attends, on va voir dans chaque salle comment ça se passe. La plupart du temps et quasi toujours, ça se passe bien. Il y a du monde, les gens rigolent. On va sentir l'atmosphère. Et là, on se dit. C'est notre petite récompense d'un an de boulot. Donc ça, c'est notre petit circuit. Mais on prévient les artistes en leur disant on va venir vous voir, mais 10 minutes, ne le prenez pas mal. Oh bah, s'ils le savent, ça va. Si on prévient. Un gars qui part pendant le spectacle, ça fait tout. On est discret, on reste artiste avant tout. On est au fond. On dit pas hey, ciao, à demain au bar. Ce sera donc du 20 au 23 octobre. Les infos sur le www.vousrire.be. Et il y aura un auditeur ou une auditrice de Vivacité qui y sera, en tout cas pour le spectacle de James Dino. Puisque c'est parti, on compose le numéro de téléphone de quelqu'un qui a envoyé rire au 60-03. C'est parti, ça devrait sonner dans un petit instant. Bah, c'est vous qui annoncez que la personne a gagné. Mais alors. Bien volontiers. Voilà. Ça fait pas trop mal de filer des places gratuitement. Non, ça me fait même plaisir. Mais c'est à ce moment-là que personne n'appelle jamais. Oui. Alors, ça devrait sonner. Ça devrait sonner. Si le standard fonctionne. Et puis juste après, on retrouvera les enfants de cœur sur Yacité, le best-of de l'émission. Alors, c'est parti. Ah, normalement, il y a quelqu'un qui a décroché, visiblement. Allô. Allô, bonjour, c'est qui à l'appareil? Bonjour, c'est Jean-Marc. Et bonjour Jean-Marc, vous avez le nom de notre directeur technique, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien de le souligner. Ah, c'est peut-être lui. Jean-Marc, si c'est toi qui as demandé des places alors que tu fais l'équipe technique, ça n'a aucun sens. Vous êtes d'où Jean-Marc? De Durbuy. De Durbuy, vous êtes quand même d'accord de faire Durbuy-Liège? Oui, il n'y a pas de souci, oui, c'est pas loin. En plus, le spectacle de James Dino dans une salle très conviviale s'appelle La Courte Échelle. On vous conseille non seulement le spectacle, mais la salle. Et puis en plus, James Dino, il n'est pas avare de rencontrer les gens après le spectacle. Donc je pense que normalement, vous allez passer une très bonne soirée. Et si ça n'est pas le cas, vous pouvez venir vous plaindre à mon frère. Et on vous rembourse les places. Et on vous rembourse les places. Ça ne devrait pas être le problème. Jean-Marc, très bonne soirée alors au Vousrire Festival. Et puis bonne soirée ici aussi. À bientôt, Jean-Marc. À bientôt. Merci à vous. Merci bonne à soirée. Vous. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci vraiment vous. Beaucoup de nous avoir reçus. Et puis à très vite. On se voit à Liège du 20 au 23. Alors. Bien sûr, on sera là. Et là, il est l'heure de retrouver tout de suite les enfants de cœur dans le 5 à 7 sur Vivacité. Les enfants de cœur. Alors, cher Dany, donc vous êtes évidemment donc dans la bande dessinée érotique, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré, le mot bande ou le mot dessiné? L'un amène l'autre. L'un amène l'autre, absolument. Alors, vous dessinez de superbes femmes nues, vous nous faites saliver les pupilles.

Tragi, bonsoir. Les principaux ministres du gouvernement fédéral tentent toujours de boucler le budget et une série de propositions de réforme. Après une pause d'une heure, les discussions ont repris cet après-midi. Le CDNV bloquerait sur les propositions libérales et de la NVA de durcissement des mesures de contrôle des chômeurs ou de dégressivité des allocations de chômage. Le Premier ministre est attendu demain après-midi pour sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Un important trafic de stupéfiants démantelé à Comines, au Bizet. Deux Russes et un Français ont été placés sous mandat d'arrêt. Vendredi après-midi, une opération entre forces de l'ordre belges et françaises a été menée chez un marchand d'or. Le commerce servait de couverture au trafic de drogue. Vinciane Vautron a interrogé Frédéric Barizot, c'est le substitut du procureur du roi de Tournai. Par la...